vie bien ficelée. Et voilà, vous venez d'écouter la chanson « Femme parfaite » de Mourad. Mourad qui est avec nous. Bonjour Mourad. Bonjour. Comment vas-tu? Oh bah, très bien, merci. Et toi? Bah, très bien, je te remercie. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation à venir dans cette émission. Avec plaisir. Il y a longtemps que j'y pensais, j'ai jamais osé. Mais et puis j'y ai allé, osons. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Tu sais, hein. Je suis déjà venu dans ces locaux. Voilà. Donc c'est pas comme si je connaissais pas la route. Avec mon collègue Mavrika. Exactement. Je suis venu à plusieurs reprises. Lui, voilà, il a osé. Ouais. Et pourtant, on s'est déjà croisé en fait. Plein de fois. Mais alors pourquoi ça... Bah, je sais pas. Je me dis bah peut-être qu'il voudra pas. Bah si, complètement. Bah, en plus, moi, la première fois que je t'entends chanter, c'était à une guinguette à Saint-Jean-de-Bray. Je sais pas combien d'années ça fait, mais quelques-unes, je pense, quand même. Et déjà là, bah, je crois que je venais tout juste d'arrêter justement mon émission, et puis je m'étais dit, bah, si un jour je reprends, je l'inviterai. Voilà, c'était l'occasion. Je voudrais d'abord commencer par cette chanson, Une femme parfaite. C'est toi qui as écrit le texte. Oui. Oui. Exactement. La guitare aussi. Oui. Ouais. Oui. J'ai composé et écrit. Cette chanson. Oui, oui. D'où t'es venue l'inspiration? Alors, c'est l'heure de l'histoire. Voilà. Alors, en fait, j'ai participé il y a ça quelques années, il y a 6 ans même maintenant, à un stage encadré par les frères Volo. Oui. À Fondette, donc près de Tours. Et donc j'en profite d'ailleurs pour leur faire un petit peu de promo, puisque ce stage est ouvert à tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être auteur ou d'être musicien, enfin voilà, d'être chanteur du moins. D'accord. On va dire qu'il faut surtout savoir déjà quand même un petit peu à quoi ressemble une chanson et comment ça se crée. Et donc quand on arrivait là-bas, on nous faisait tirer au sort ce qu'on appelle des contraintes. D'accord. C'est-à-dire on avait déjà un cadre en disant bah voilà, tu vas écrire une chanson pour telle tranche d'âge, destination de telle personne en fait, sur tel sujet. Et moi j'ai je devais écrire pour une femme sur un créneau 25-40. D'accord, ça veut dire quoi un créneau 25-40? Ben en fait la tranche d'âge. D'accord. En fait, on pouvait avoir du 16-25 de mémoire, 25-40, 40-60 ou plus de 60. Je crois qu'il y avait un petit peu de ça. Et sur le temps qui passe. Voilà. Et là mon approche a été de dire bon allez, tiens, je vais écrire sur une femme. Alors pour tout te dire, vraiment tout, j'étais parti sur un petit délire au début en disant bah tiens, je vais imaginer une femme qui est en train de se dire que elle a envie de se ranger. Voilà. C'est-à-dire je vais arrêter les apéros jusqu'à pas d'heure. Je vais arrêter mes multiples rencontres. Non, je vais me poser, je vais me caser. Voilà. D'accord. Je vais bien me ranger. Et donc j'étais parti sur ce petit délire là et à un moment j'en ai un des deux qui en lisant ma première ébauche de texte me dit "Ouais, c'est pas mal moi, mais en fait, pourquoi est-ce que tu ferais pas encore l'inverse ?" C'est-à-dire bah en fait celle qui a envie un petit peu de casser les codes et qui a qu'une envie en fait c'est de se boire la gueule. Ouais. Le lâcher prise total. OK, allez, je suis parti. Et voilà comment je suis arrivé en fait à traiter finalement d'une manière un peu avec une bonne dose d'ironie, du moins j'espère qu'on la sent bien. Oui. La charge mentale, clairement. Voilà. Complètement. Mais du coup, moi j'ai une petite question. Quelle est ton idée de la femme parfaite? Ah ah, t'étais pas prêt, hein? Écoute, moi je pense qu'à partir du moment où on s'y retrouve dans sa propre vie. Ouais. Et là, je dirais que j'y mettrais même pas de genre. en fait, hein. Mm-hmm. Que ce soit pour l'homme ou la femme parfaite, à partir du moment où on se sent intègre, on se sent soi, mm-hmm. en fait. Ouais, ben c'est vraiment une question à se poser par rapport à soi et pas par rapport à cette personne est parfaite pour tout ce qu'elle peut donner. Oui. Voilà. D'accord. Être bien avec soi déjà. Ouais, c'est pas une mince affaire. Non, c'est pas simple tous les jours. On peut en causer là pendant 2 heures, mais je suis pas sûr qu'on trouve la bonne recette. C'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est toi. Donc... Alors, Mourad, le chanteur parfait, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Bah, en tout cas, c'est vrai que l'ironie fait partie de plusieurs de tes textes, et c'est ce que j'avais apprécié d'ailleurs quand j'ai découvert la guinguette de Saint-Jean-de-Bray, et en plus ça a un sens, non seulement c'est ironique mais c'est surtout ça a un sens et il faut vraiment écouter pour comprendre. Et ben cool. Non mais c'est chouette ce que tu me dis là, parce que en effet c'est un petit peu ce vers quoi je travaille depuis quelques années, en fait. Ça fait une dizaine d'années que je fais mes chansons. D'accord. Comment t'en es arrivé à la musique ? Ouf. Alors, comment j'en suis arrivé à la musique ? Un espèce de petit délire d'ado. Mm-hmm. C'est-à-dire que à peu près à 15-16 ans, j'ai dû dire « j'en ai une guitare !» Et donc j'ai pris une guitare, enfin j'ai eu une guitare, et puis j'ai commencé à m'écorcher les doigts, ouais. à apprendre tout seul avec ce qu'on appelle des tablatures, hein, qui est une méthode en fait d'écriture. T'as pas besoin de lire les notes en fait. D'accord. Juste alors attends, le tel corde, il faut que je le pince dans telle case et compagnie. Et puis à partir de là, je me souviens de cet été de mes 16 ans, je crois, où j'y passais mes des heures et des heures par jour. Mm-hmm. À tel point que même quand j'allais voir mes potes, j'avais toujours ma guitare sur le dos. Mm-hmm. Et au début, quand tu commences à jouer de la guitare, en fait, tu joues toujours la même chose. Et donc rapidement, en fait, tes potes, ils te disent... C'était quoi ta chanson ? Oh là là. Alors, c'était quoi ma chanson ? Eh bien, écoute, j'ai commencé à... Non, ça peut faire aussi sourire. Quand on connaît un petit peu donc mon univers musical et moi ce que j'écoutais, eh bien j'ai appris avec l'Unplugged de Nirvana. Ah. Voilà. Excellent. Et j'avais pour ambition, j'ai jamais réussi, hein, de jouer tout l'album. Mm-hmm. Voilà. Donc About a Girl, Come as You Are, ouais. Compagnie de Polly. Hop, je mettais ça dans les doigts. Tu sais que c'est l'album que j'écoutais à mes 16 ans, moi. Ah oui. Je sais pas si on a à peu près le même âge, mais alors je l'ai chauffer cet album. Ah, non, mais, j'arrêtais pas. Mais moi aussi, j'ai adoré. Et donc ouais, j'aimais beaucoup cette approche acoustique qu'il mm-hmm. pouvait y avoir. Je connaissais déjà Nirvana. Tu vois, j'avais déjà aussi bien usé Nevermind. Mais voilà, cet Unplugged, il avait autre chose. Mm. Et puis en parallèle, j'avais aussi, c'était à peu près à la même époque, j'ai aussi pas mal appris à jouer avec l'album En Passant. De mmh. Jean-Jacques Goldman. Bref, voilà comment est-ce qu'on se met à la guitare, et puis après, à partir de là, tu fais de la reprise. J'ai bossé pas mal d'années dans l'animation, et donc, eh bien, que ce soit pour les enfants ou pour les animateurs en fin de journée, allez, une petite chanson, allez, on y va. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait partie d'un groupe de reprise qui s'appelait Côté Guitare. D'accord. On était 3 guitaristes. Il y a ensuite un bassiste qui nous a rejoint, et on faisait des reprises chansons françaises mmh. Des années 70 jusqu'à nos jours. Enfin, nos jours où on jouait. Hein, pas, oui. Voilà. Et donc on a fait quelques salles, quelques scènes, quelques bars, et j'ai été pendant des années convaincu que de toute manière je ne saurais pas écrire et composer. Voilà. Donc fait son chemin. C'est ça, ça fait son chemin jusqu'à ce que un jour j'ai un texte qui sort avec un bout de mélodie, et puis que un café entre amis, on est 4-5 autour de la table. Moi, il sort sa guitare, tiens, on va chantonner ça. Et puis au milieu de tout ça, je casse une chanson où à la fin on dit, mais c'était quoi ça? Mm. C'était à moi. Ah ouais, c'est vachement bien. Et voilà. Et donc ça, c'était il y a maintenant une bonne dizaine d'années, quoi. D'accord. Voilà. Alors quand on a comme ça composé, écrit, comment on passe, parce que t'es passé en studio, j'imagine. Mm. Pour caler ça. Mmh. Comment ça se passe Est-ce que c'est compliqué de trouver un studio parce qu'il faut peut-être aussi des fonds? Alors, écoute, ma première expérience studio a été facile puisque en fait, dans la continuité de ce que je viens de te raconter, une bonne partie de ses amis et puis d'autres autour encore qui avaient un peu la primeur d'entendre ce premier titre, et ben ils m'ont offert une journée de studio pour mon anniversaire. Waouh. Voilà. Super cadeau. Studio Nima, pour pas les citer, Saint-Jean-le-Blanc. Mm-hmm. Studio de Terrence. Et puis voilà, ça a été du coup une première maquette, tu vois, une première expérience. Puis à partir de là, bah c'est un peu parti quoi, en disant ouais bah tiens, je vais arrêter les reprises. Ça m'éclate plus et je vais surtout tenter de donner un peu vie à mes propres chansons. Mm-hmm. Et puis après le nerf de la guerre en effet c'est l'argent parce que il en faut un petit peu parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent derrière tout ça. Donc il y a un espèce de juste milieu, c'est-à-dire que des fois tu passes en studio, des fois tu passes pas, des fois en fait t'enregistres directement sur un ordi, des fois le mix il se fait dans un studio, des fois en fait il se fait dans un garage. Mes deux albums c'est Alex the Patient qui les a réalisés, qui a signé tous les arrangements, tout ça c'est de chez lui. Les instrus mis à part quelques fois, c'est que de l'ordinateur. Quand je dis les instrus c'est au-delà de la guitare. Mais tu vois par exemple la batterie, c'est du programme. Quand même pour tout ça, il faut un budget. Oui, et puis c'est ce que j'allais dire, le programme ça s'achète aussi. Le budget, tu vas le chercher sur ce qu'on appelle un financement participatif, le crowdfunding. voilà. Donc c'est aussi le jeu, c'est un jeu de com. Quand je dis c'est un jeu. Y a pas d'ironie, mais c'est pas tout à fait non plus un truc très très. Enfin, si il faut en faire un attrait ludique parce que c'est un exercice de communication très clairement. C'est en fait d'aller éveiller un peu et l'intérêt d'une communauté que tu as déjà autour de toi. Et en plus de ça, d'aller chercher du curieux, parce que tu mises aussi à ce que ta communauté en fait puisse aussi aller en chercher d'autres. Et moi, alors j'ai fait déjà 3-4 campagnes du coup de financement participatif, et à chaque fois l'enjeu que je me donne en fait, c'est de dire j'aimerais bien atteindre le deuxième, aller même éventuellement le troisième cercle. Je sais pas si tu connais ces histoires de strates en communication. Oui. Voilà, on a le premier cercle qui est les gens en fait qu'on connaît de son entourage. Voilà. Puis le deuxième cercle, en fait, c'est entourage, ton entourage. Et puis le troisième, c'est voilà. Et donc quand tu vois tomber des contributions, des commandes de gens qui sont totalement inconnus et qui habitent à l'autre bout de la France, tu dis ah là je commence à ça, c'est chouette, parce que en fait c'est un petit peu ce que je vise. C'est voilà, au-delà d'aller chercher de l'argent, c'est aussi de la communication, parce qu'en fait tu proposes un principe de précommande. Après aussi pour aller chercher des fonds, faut aller chercher au-delà de la simple précommande de l'album. C'est-à-dire que tu vas te demander, bon alors qu'est-ce qui plaît aux gens et combien ils seraient prêts à mettre pour ça. Et donc voilà, donc à chaque fois et jusqu'au dernier là, pour un peu citer le dernier financement participatif, il y avait bien sûr l'album en version digitale ou version physique, le bon vieux disque pour ceux qui se souviennent encore de ce que c'est, et je parle bien du CD. Oui. Et puis après il y a ce qu'on appelle les goodies. C'est le petit médiator, c'est le gobelet, et puis j'ai poussé le vice à aussi, parce que je suis amateur de bière, donc faire aussi une petite bière, son propre brassin, vois, donc j'ai fait avec un copain à la brasserie du Voré à Mardier. Voilà, donc j'ai fait ça quand même dans des conditions pro, j'ai pas fait ça juste dans ma cuisine, et puis ça a poussé après jusqu'à la petite version concert à domicile. Oui, et j'ai vu. Raconte-moi ce concept. Je n'avais pas vu passer pas ça. Moi. Alors, le concert à domicile, que je proposais en région centre ou même au-delà. Le prix n'était pas tout à fait le même, j'avoue. Mais en gros, l'idée c'était, je viens dans ton salon. Tu vois, tu me donnes une prise. J'ai besoin d'un petit espace. Et puis on y va. Invite tes copains. Invite ta famille et puis on y va. Il y a des régions, des endroits où ça se fait pas mal, ça. Hein. Mmh. Et le principe du concert à domicile, j'aime beaucoup parce que tu vois, j'en ai fait un suite à ce financement participatif j'ai fait en Gironde. Et voilà, tu te retrouves dans un salon, t'as une trentaine de personnes en face de toi, tu fais ton concert, et puis après c'est un peu le principe auberge espagnole, quoi. Tout le monde est venu avec des petits trucs à grignoter, à boire, et puis on se fait la poursuite de la soirée. C'est sympa, et... ça fait des chouettes rencontres. Ah non, carrément. Et puis alors autant pour moi, je trouve ça génial parce que on est en échange direct. Mmh. Autant je me mets aussi à la place publique, c'est là on est vraiment dans un concert privé en fait. Mmh. Ouais, on est juste 20, 30 et voilà, c'est ce petit coup. Tu étais stressé en arrivant, comment tu te sentais toi intérieurement en arrivant comme ça dans un salon où il y a 20 30 personnes et tu les connais pas. Bon, en fait, la différence avec une salle, c'est qu'en fait, tu les vois plus, les gens. Oui. Pour les gens, c'est sympa, c'est intimiste. Mais carrément, après, tu sais, je me dis juste, ça joue le jeu, quoi. Tu vois, c'est pas du tout froid quand je dis je fais le job, mais en fait. Aussi dans le job, en fait, il y a ça, il y a un moment je vais aller vers les inconnus, je vais aller vers l'inconnu aussi, tu vois, et puis on y va, et tant que j'ai des sourires en face de moi, tu vois, ça met à l'aise. Oui, et puis, c'est sûr. Et puis on y va. clairement, c'est le genre de concept qui peut marcher un petit peu partout, et dans le cadre de ce financement participatif, juste pour te donner un peu une idée, on était à une contrepartie à 150 € pour un concert d'une heure en région centre et on montait jusqu'à 250 € hors région sachant qu'en plus de ça je demandais aussi le gîte. Voilà. Oui. Juste dire et puis hébergez-moi. Donnez-moi un lit s'il vous plaît. Juste ça, voilà. pour pousser un petit peu plus, j'avais aussi une autre version un petit peu plus importante financièrement, mais qui était aussi le fruit d'un partenariat, d'une collaboration, comme j'ai cité tout à l'heure la brasserie du Voré. J'ai aussi la Billy Garoulette, qui est un food truck de galettes et de crêpes, et où en fait dans le cadre de ce partenariat on proposait aussi une formule qui était pourtant on vient avec 20 menus. Mmh. En fait, on assure de pouvoir restaurer pour 20 galettes, 20 crêpes avec le concert. Ah, bien. Et ça aussi, c'est quelque chose où on se dit qu'il y a peut-être aussi des choses un petit peu à... Ouais, il y a deux trois a priori en fait à faire sauter, tu vois, parce que en effet c'est pas si commun finalement d'ouvrir son jardin et dire aux gens tiens en fait j'ai croisé un artiste, je lui ai demandé, il vient jouer à la maison. J'aime trop l'idée, hein. J'ai pas de jardin mais j'aime trop l'idée. Eh ben t'as un balcon. J'ai un balcon. T'es sûr dans quoi je m'embarque? Un grand salon? Moyen. Allez, si tu veux, je joue sur le balcon et par contre, je tourne le dos en fait. Je me mets face à ton salon. Ah non, j'aime bien l'idée. Ok, ça reste dans un coin de ma tête lors de ta prochaine session de. Je viens jouer chez vous. Ah mais même sans ça, je pense qu'il faut même pas forcément attendre. Enfin, moi, j'invite les gens même à en parler autour d'eux ou. Enfin voilà, ne serait-ce que ce concept et pas que pour moi. Il y en a plein d'autres. Je suis sûr aussi, ils seraient prêts à du concert. Du concert privé. Alors souvent, en fait, on pense, j'en parlais tout à l'heure avant le début de cette émission, où j'évoquais un concert privé, un concert que j'ai fait à l'occasion d'un anniversaire, tu vois. Donc, t'as une salle des fêtes, tu vois. Mais enfin voilà, les gens sont là dans un esprit festif pour fêter un truc. On boit des canons, on se met tous à la table. Ça. Mais même sans ça, en fait, on pourrait juste se dire. Et je sais que ça se fait dans certaines demeures, tu vois. Mais juste de se dire, tel samedi, je vais inviter des gens parce que j'ai la capacité pour... Je vais te dire un truc tout bête. Même un salon où tu peux accueillir 15 personnes. Oui. 15 personnes, tu leur demandes tous à la rigueur une petite participation. Ah, mais c'est vite fait, hein. C'est vite, en fait, rapidement. Oui. Tu dis juste à tout le monde, tiens, t'emmènes soit un truc à grignoter, soit un truc à boire. tu files 10 balles et en fait t'as ta soirée et puis là t'as un petit concert et puis tu vois et puis après on discute. Bien, hein. Enfin, voilà, c'est Alors attends, je crois qu'on a Martine qui a une question à poser. Martine, est-ce que tu m'entends? Une proposition, je vais fêter d'ici la fin de l'année une fête à 6.0. Okay. Et donc je pense que j'ai une salle pour 20 à 30 personnes. Voilà, voilà. On peut se faire plaisir. En même temps que tu le disais, je pensais à son anniversaire et j'étais là, je suis sûre qu'elle est en train de se le noter dans un coin de sa tête. Tu me connais trop bien. Oui, on commence à se connaître. Et non, mais franchement, oui. Bah, d'ailleurs, même les auditeurs hein, qui s'intéressent, ils peuvent, t'as tes réseaux, Mourad de Seine sur Instagram, je crois, et Mourad tout court sur Facebook. Mourad chante. Tout en un mot. Oui, c'est un petit peu compliqué parfois pour me trouver. Même sur YouTube, hein, en tapant Mourad, non. Après, j'ai mis Mourad Orléans, je t'ai trouvé tout de suite. Bon, sinon, en fait, le meilleur moyen pour me trouver, la meilleure porte d'entrée, c'est le site internet. D'accord. Mourad chante, tout attaché. D'accord. Donc, mouradchante.fr. À partir de là, tu arrives sur mon site. Et à partir de là aussi, tu as des pictos qui sont tout en haut de l'écran, qui te mènent vers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et puis, bah là, après, possibilité aussi de prendre contact avec moi, de m'envoyer un petit message. Je pense que je vais voir, j'ai le temps de raconter une anecdote. Oui, vas-y. On est là pour ça. Alors, j'ai une anecdote qui est plutôt rigolote. Alors, comme souvent, les anecdotes, remarque, tu vas me dire. C'est rare quand on raconte un truc triste. Mais j'ai participé. Alors, je suis allé trois fois à Astafor. Astafor, qui est une petite ville, un petit village du Lot-et-Garonne, qui est le fief de Francis Cabrel. Au sein duquel il a créé il y a une vingtaine d'années une association qui s'appelle Voix du Sud. Là, je fais de la promo pour les copains. Et donc ils organisent régulièrement des stages aussi. Voilà, qui portent différents noms. Bref, je vais pas rentrer dans ce détail là, mais juste moi la dernière session à laquelle j'ai participé. C'était exclusivement sur l'écriture. Bon, en fait, l'idée, c'était, t'arrives déjà avec des chansons, t'arrives avec un projet qui est déjà bien mûr. Tu vas aussi continuer un petit peu à peaufiner, à continuer à écrire. J'ai des chansons d'ailleurs hein, qui sont sur l'album qui y figurent, comme un ado. Par exemple. Donc tu as quelqu'un en fait qui est là pour un peu superviser pour jeter un œil averti en fait sur l'écriture. Là en l'occurrence, il s'agissait de Jean Fauque. Jean Fauque, si jamais ça ne parle pas, c'est quelqu'un qui travaille énormément qui est un auteur, un parolier, qui est un grand ami à Alain Bachung. La nuit je mens, c'est Jean Fauque en partie. Enfin voilà, c'est bref. Et donc ce stage-là se terminait. On était trois projets. On était deux solos, un duo, et il se terminait par un concert. Et un concert, cette fois-ci, qu'on ne faisait pas, en fait, à Astafor. Bien souvent, ça se faisait là-bas, mais c'était pas possible. Et donc, on l'a fait chez l'habitant. Là, le même principe que je te racontais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que bon, y avait une urne, voilà, c'était donné pour Voix du Sud parce que nous on était rémunérés de toute manière pour notre concert. Et puis, les gens venaient avec des trucs à grignoter et tout. Et alors, où est-ce qu'il va en venir? C'est que donc je suis dans le Lot-et-Garonne, là, messieurs dames, et donc je fais connaissance avec mes hôtes, avec le proprio, et qui me dit mais tu viens d'Orléans? Ouais. Je suis de Neuville-aux-Bois. Ah la vache. Mais comment tu t'es perdu là? Très bonne idée. Et donc il me dit j'ai plein d'amis autour de moi, des amis d'enfance. Hein. Ils ont des grandes maisons. Ils ont des salons aussi comme le mien. Ils pourraient. Mais en fait, il y a pas à dire Mourad. Hein. C'est dans la région centre. Enfin là, du côté de Orléans. Il me dit mais j'essaie de les pousser, de les inciter à faire ça et ils veulent pas. Ils ont peur. Tu vois, comme s'il y avait une espèce d'appréhension quoi. Et ouais, c'est dommage.

garçon. Vous écoutez l'émission, pardon, Lusitane Pachon en compagnie de Carla. Nous sommes là jusqu'à 18h et il y a aussi Mourad avec nous. Tout va bien? Oh ben ça va bien, oui. Toujours? Oui, et toi? Ben oui, très bien. Merci. Bah, je suis sûre qu'il y a une petite histoire derrière cette chanson qu'on vient d'écouter. Enterré. Non, ta vie de garçon, pardon. Oui, il y a une petite histoire. En fait, le point de départ de cette chanson, ça a été de jouer un peu autour de ce terme de l'enterrement de vie de garçon, bien sûr. Mais juste en me disant ironiquement. Si on respecte déjà la tradition, lors de ces fêtes-là, on prend un cercueil, on fait un petit cercueil ou un petit coffre, on met quelques bouteilles dedans, et puis on met sous terre. Et la coutume veut que aux 18 ans du premier enfant, on ressorte en fait ce cercueil et qu'on consomme ce qu'il y a dedans. Et en fait, je suis juste parti d'un délire en disant, mais oui, et quand les gens se séparent, jamais ils vont chercher là. Alors que bien pourtant, tu vois, c'est rare aussi quand on tape dans le dos en disant, bon allez, tiens, on va faire la fête. Tu vois. Ouais. Mais pourtant, bien souvent, ça s'arrose. Une séparation, tu veux dire. Ouais. Enfin, quand je dis ça s'arrose, c'est pas dans le sens festif, mais forcément, il y a quelques... Bah, après, ils vont pas l'arroser ensemble, mais ils vont l'arroser chacun de leur côté, normalement. Oui, non, mais les gens, c'est bon, ils vont noyer ou pas, mais... Enfin, ouais. Bon, il y a de l'alcool, il y a... sans vouloir accentuer sur les stéréotypes, mais voilà, je me suis juste dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'on en fait si, finalement, on déterrait ce côté-là et que... Voilà, c'est vraiment parti autour de ce délire-là. Mmh. Et ce qui a provoqué la toute première interprétation de cette chanson, c'est que lorsqu'il y a 2 ans de ça, j'ai participé aussi à un concours, un tremplin de auteur-compositeur en Normandie. Mmh. Et il fallait que j'arrive avec une chanson totalement inédite. Ça a été celle-ci. C'était celle-ci. Oui. Et du coup, résultat ? Bien résultat, je n'ai pas fait partie des finalistes. D'accord. Voilà, le vote public n'a pas joué en ma faveur. Mmh. Voilà, mais peut-être parce que je n'avais pas de communauté locale. Ouais. Hein. mais il n'empêche que expérience. Je salue aussi toute l'équipe de cette association-là, parce que c'était leur première édition. Mmh. Et la ville de Lillebonne, sur laquelle se déroulait ce concours, ce tremplin, je vais jouer pour la fête de la musique là-bas, voilà. D'accord. Organisé par la ville de Lille. Ah bah chouette. T'as pas tout perdu. Ah ben non, mais pas du tout. Et d'ailleurs, justement, en parlant de concours, parce que là, tu me parles de concours de petites villes, c'est des grandes villes, mais je veux dire plutôt des concours qui sont dans des localités. Mais les concours type The Voice, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimerais ou pas du tout Alors, je suis un peu. Alors, déjà, je me sens pas du tout concerné. Tu vois, pourquoi tu vois, The Voice, c'est la voix. Ouais. Alors, autant je pourrais en effet peut-être caster pour faire la voix de la Star Academy. Ouais. Autant. Écoute, je pense pas que ma voix puisse être, parmi. Ça, c'est ce que tu penses toi? Oui, mais c'est ce que je pense. En effet, mais déjà, faut le penser soi, en fait, tu vois, pour. Ouais, mais justement, il faut. Enfin, ce que tu penses toi, c'est pas forcément la façon dont va le cueillir ceux qui vont t'entendre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, aujourd'hui, c'est peut-être mon rapport et à mes chansons, en toute humilité, hein, aussi peut-être parce que j'ai fait de la reprise pendant des années, mais en fait, j'aime beaucoup, j'aimerais plus qu'il y ait, je serais plus partant pour un truc où t'arrives, tu vois, avec de la création. Oui. Il y a eu, d'ailleurs, sur France 2, comment ça s'appelait, The Artist. Oui. J'ai candidaté, tu vois, d'accord. Pour The Artist, d'ailleurs. Parce que je trouvais le concept très très bon, je suis même déçu en fait mm-hmm. que ce n'ait pas plus marché. en ayant un petit peu lu aussi dans les médias, je sais que Nagui, enfin voilà, était un petit peu déçu de. Et ouais, c'est, voilà, ce concept-là, j'ai trouvé vraiment chouette d'arriver avec ses propres compos. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça, ça s'appelait Rising Star sur M6, oui. Où on votait en direct par smartphone. C'était des votes gratuits. Il y avait un mur qui se levait. Et j'ai un copain qui a participé. Et il est allé d'ailleurs assez loin, parce que je crois qu'il est allé jusqu'à la finale. Et voilà, et tout à son honneur que d'avoir joué exclusivement à toutes les sélections que des titres à lui. Ah, ouais. Franchement. Bravo. Et voilà, et moi je trouve ça bien aussi. Alors je ne veux pas du tout ternir tu vois tout ce qui peut y avoir et les voix et le travail qu'il peut y avoir. Attention, loin de là, mais j'aime bien aussi qu'on puisse mettre un petit peu en avant eh bien ce travail aussi de fond que l'on peut avoir, celui de la création, celui de l'écriture. Et même si on en revient aussi à des cafés-concerts, voilà, des lieux dans des bars où l'on peut trouver. Moi, j'ai déjà entendu le. Mais tu fais pas de reprise ? Bah non. Ah mais non, mais il faudrait que les gens puissent chanter. Ah. Mmh. Bah ouais, mais en fait, il y a un moment, il y a aussi une posture, je trouve là, pour le coup, il y a peut-être une posture politique, tu vois, mais une politique culturelle, que de dire, bah voilà, enfin, il y a un moment, je veux aussi pouvoir saluer la création, je veux aussi pouvoir faire en sorte qu'il y ait ça. Alors, oui, c'est vrai, si les gens ne connaissent pas ta chanson, une chanson tient comme celle que tu viens de diffuser, Ta vie de garçon. Oui, si les gens la connaissent pas, faut pas s'étonner si non, ils vont pas frapper dans les mains ou taper sur la table. Tu vois, voilà. Mais enfin voilà, il y a bien sûr tout ce côté populaire qui est très important, qui m'a aussi bercé, que moi je continue à écouter. Tu vois, mais pas que. Et il y a aussi ça. Oui, c'est bien de s'ouvrir à d'autres à choses. Voilà. Faut pas. Enfin, plus on chante pas tous super bien, hein, donc même si on connaît la chanson, des fois, faut mieux fermer sa bouche. Oh, comme c'est joliment dit. Oui, je l'ai dit poliment. Donc non, tu ne me verras pas à The Voice. Oui, bah après je comprends le fond de ta pensée. Et bah après il faut espérer qu'il y ait des formats comme il y a eu sur France 2 qui reviennent. Et puis là, dans ce cas-là, où tu puisses montrer ta création justement. Ouais, après là-dessus, je suis assez pessimiste. Hein. Ouais. Très honnêtement, parce que ça a galéré. Alors, bien sûr, il y a des choix de créneaux. C'était en deuxième ou troisième partie de soirée. Est-ce que les gens n'avaient vraiment, tu vois, est-ce qu'ils étaient, je sais pas du tout. Par contre, je sais en tous les cas qu'il y a eu de la candidature. Hein. Ils avaient, je crois qu'ils avaient assez pour. En fait, parce que tu te rencardes un petit peu, tu te rencardes dans ton petit réseau, tu vois. Ouais. Hey, t'as candidaté. Ouais. Ok, t'as eu des réponses. Ouais. Bah moi, j'attends toujours. Donc déjà, ça te fait dire, tiens, il y a une salve, il y a une deuxième salve. Et puis, moi, j'ai pas été pris. Par contre, je connais quelqu'un. Le tournage est programmé pour novembre. Mmh. Ah, ok. Et ça, par exemple, là, novembre, ça n'a jamais eu lieu. Donc, en fait, je pense qu'ils ont eu assez de matière pour pouvoir faire plusieurs, je vais pas dire saisons. C'est juste le 10 maths qui manquait. Mais voilà. Et ils sont arrêtés juste à 6 semaines parce que, pas possible, quoi. Ouais. Et voilà. Et pourtant, encore une fois, moi, j'ai pas tout regardé, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mmh. Et tu vois, même la chanson dont j'ai perdu le nom, là, de ce duo de gars, là, qui avait bien, bien tourné aussi, là, une chanson, il parlait du cancer. J'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi, tu vois. Enfin. Oui, il y a des trucs vraiment intéressants, des univers, il y a tout un travail, et enfin voilà. Et justement, pour en venir à ce travail de création et d'écriture, est-ce que tu composes pour d'autres actuellement ? Pas du tout. Tu aimerais ? On m'a contacté, j'étais en contact avec un groupe il y a quelques années qui m'avait découvert en concert. Mm-hmm. Et qui ensuite m'ont dit ouais, on aime bien ce que t'écris, on aime bien ce que est-ce que tu serais prêt à mais je dis ok, par contre on va s'infuser un petit peu ensemble, parce que on parlait un petit peu on faisait connaissance quoi en fait hein, mais et puis tout ça c'était avant la fin du monde Et avant le Covid. Voilà. Et après ça, eh bien, je crois que même le groupe n'existe plus. Ah mince. Donc le projet n'est plus. Mais voilà, pourquoi pas. Je vais pas dire que je suis ultra productif. Tu vois, dans le sens où je suis pas une machine de guerre. Voilà, il faut vraiment un contexte, en fait. Ouais. Mais par contre, dans l'idée, ouais, j'aime bien et ça me dérangerait pas du tout, quoi. Tu vois, que après, il y a peut-être des artistes de la chanson française pour qui tu aimerais composer. Ça, c'est bien présomptueux, ça. Tu aimerais. Ouais, non, mais enfin, non, même. Par contre, ouais, des gens à qui j'ai. Pas forcément. Tu aimerais faire un duo. Ah, oui! Oui, alors faire un duo, oui. Après, tu vas travailler sur. Mis à part avec moi, je sais, on va en parler après, mais un artiste. Parlons-en. après, il y en a avec qui j'ai déjà eu la chance de, tu vois, de partager le micro. Oui. Et puis après, oui, se dire, tiens, demain, si j'avais l'occasion de travailler sur un titre, partager un enregistrement, quoi. Mais ouais, mais carrément. Mais qui? Mais qui, Mourad? Moi, je veux savoir qui. Eh bien, ça se trouve, tiens, d'ailleurs, sur YouTube, toi qui es une adepte de YouTube, une fois, j'ai partagé le micro avec Aldebert. C'est ça? Ah, voilà. Bah, voilà. Eh bien, je t'invite à aller découvrir Aldebert, qui aujourd'hui chante essentiellement pour les enfants, avec des albums qui s'appellent Enfantillage. D'accord. Qui est un répertoire pour enfants, mais je t'assure que, même en tant qu'adulte, on y trouve aussi son compte, tellement d'accord, c'est pertinent. Dans l'écriture, dans la musicalité et tout. C'est un Orléanais ? Pas du tout. Il est de Besançon. D'accord. Voilà. Et donc, du temps où il faisait encore quelques chansons pour adultes, parce que ça fait une vingtaine d'années, en fait, qu'il chante. Et on s'était alors déjà rencontré tout ça et on s'est recroisé un jour de concert à Chartres. Il faisait deux soirs d'affilée et à la fin du premier soir, il me dit mais Mourad, tu reviens demain? Tu viens chanter avec moi? Allez, on y va. Et puis voilà. Bon, j'avoue, je l'ai pas dit comme ça si spontanément. J'ai attends, je réfléchis. Un petit peu les miquettes. Oh là là. Donc voilà. Aujourd'hui, Aldebert, c'est quelqu'un qui là termine sa tournée des Zéniths. Tu vois, voilà, avec un spectacle pour enfants, il remplit des salles de milliers de personnes, quoi. Okay. À bloc. Donc voilà. Donc je t'invite à découvrir. Oui, après, il y a des gens, oui, avec qui j'aimerais bien aussi, ne serait-ce que, tu vois, travailler un peu l'écriture, pour moi, en fait, là, pour le coup, tu vois, égoïstement, mais, un type comme Ben Mazuet, par exemple, moi, sa plume, waouh, je la trouve absolument, géniale. Si je vais aller chercher dans du très très très médiatique, hein. Voilà. Zazie aussi, j'aime beaucoup sa façon qu'elle a de jouer avec la sonorité des mots. Zazie, c'est quelqu'un qui extra. J'ai eu l'occasion de la voir en concert. Elle est juste extraordinaire, cette femme. Et bah voilà. Tiens, tu vois, si j'étais à The Voice, alors quel team Zazie. Direct. À quoi que j'aime bien Big Flo et Oli aussi. Ils ont aussi ce petit humour eux et j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup. Même leur, il y a de la recherche dans leur. Ah oui, mais carrément, ouais, carrément. Dans leur. Après, enfin voilà, mon maigre parcours, mais m'a amené aussi des fois à pouvoir travailler. Avec indirectement, tu vois, j'ai travaillé avec Oldelaf. J'ai fait la rencontre d'Astafor 10 jours avec Oldelaf. Bon bah c'est 10 jours où de temps en temps tu te grattes un peu la tête sur le choix des mots, quoi. Tu vois, et bah ça c'était vraiment chouette, quoi. Et ouais, je en reproduirais volontiers, quoi. Bref, voilà, on va pas faire tout le tour. Non, je voulais deux, trois personnes avec qui tu aurais aimé travailler. Et la prochaine fois que tu les croises, demande-leur. Ouais, je leur demanderai ou je ferai une petite rencontre ici. Allez. Très bien. Et du coup, tu ne jouerais pas un petit titre? Si. j'ai emmené ma guitare. Vas-y. En attendant, je mets un petit son à toi. Ah, le zip de... Oui, alors j'ai un autre guitare. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est que le zip de la poche de la guitare. C'est ça, ne vous emballez pas. Mais non, c'est un grand impair, il pleut dehors. Alors je vais quand même m'accorder. Accorde-toi. Est-ce qu'on entend ma guitare? Moi, je l'entends très bien de ce côté-ci. Eh bien, très bien. Que vas-tu nous chanter? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Oui, tu es venu avec qui? Avec mon papa. Ah bah tiens, je vais une chanson qui était sur l'album On en parle et que j'ai écrite. J'en parlais tout à l'heure d'un de mes stages à Stafford. Cette chanson s'appelle Comme un ado. Voilà. Bah, on pourra en parler après si tu veux. Oui, je veux la petite histoire qui va avec. Ça y est, hein, j'ai pris goût. Hein. Ça fait maintenant quelques mois, disons surtout depuis qu'il est là, que je ne peux plus te toucher. Pour être clair, qu'on n'a pas baisé. C'est vrai qu'on a un rythme de fou, plus de repères et plus d'horaires. Parler de sexe est devenu tabou. Limite je rêve d'une garçonnière. Si seulement j'avais pu prédire, je crois que j'aurais dû me retenir. Je me sens un peu comme un ado à le faire au-dessus du lavabo. Quand on se trouve à deux au lit, que je vois l'avantage du répit, je crois que tu vas m'enlacer. Pas facile, le cul tourné. Je finis même par l'envier. Quand il est pendu à ton sein, vous avez votre intimité. Tu accordes une place dans le bain. Si seulement j'avais pu prédire, je crois que j'aurais dû me retenir. Je me sens un peu comme un ado à le faire planquer devant un porno. Si tu voulais bien le lâcher, j'aimerais bien aussi le porter. Cet enfant, il ne voit que toi. Et ce donc avec son papa. Si seulement j'avais pu prédire combien je craque pour ses sourires. Pas pressé qu'il soit un ado, tellement je suis papa gâteau. Pas pressé qu'il soit un ado, tellement je suis papa gâteau. Merci, merci, merci. Alors, la petite histoire de cette chanson, ça m'intéresse. C'est que ça. C'est quoi ces mots-là qu'il a dit? Ouais, c'est quoi ces mots qu'il a dit? Bah, écoute, en fait, ça fait partie de ces thèmes qui me trottaient depuis un petit peu dans la tête. J'avais envie d'aborder, qui était en fait clairement la vie intime d'un couple de jeunes parents. Mmh. Voilà, quand on est quand on est parent, on sait par quoi ça, enfin à quoi ça peut faire allusion. Tout le monde ne le vit pas forcément de la même manière, mais et donc voilà, avec ce petit côté un peu provoque, en effet, et puis ce petit final un petit peu plus doux, qui m'a valu aussi d'ailleurs, quelques remarques, et notamment, je me souviens. Il y a quelques années de ça, j'avais joué à Vendôme et j'avais une femme qui était venue me voir à la fin du concert et qui m'a dit C'est vrai que souvent, je crois qu'elle était infirmière ou quelque chose comme ça, mais enfin dans le milieu médical, en me disant, vous savez que à parler de ce sujet-là, mais vous avez tellement raison, le nombre de fois où on peut l'aborder en fait en cabinet et bah bravo, voilà, parce que juste c'est juste, voilà. Mm. Et même si on m'a déjà dit aussi que cette chanson pouvait paraître à prime abord assez vulgaire, on m'a même dit une fois que dis donc, elle est vachement sexiste quand même ta chanson. Réécoute. Voilà. Réécoute la chanson et on en reparle après. Tends l'oreille. Eh bien, tu vois, on parlait de tremplin de concours tout à l'heure. Eh bien, en Auvergne, à Peaugres, c'était avec cette chanson que j'ai gagné en finale. Ah. Sur la catégorie auteur, compositeur, interprète. Bravo. Donc, comme quoi, elle peut aussi avoir son charme. Bien sûr. Et puis c'est bien parce que bah là, ce côté, moi j'appelle pas ça vulgaire mais plutôt piquant, mais avec une petite balade à côté qui adoucit le tout et qui fait bien passer la chose. Ah non, mais je peux totalement concevoir, tu vois, que c'est vrai que dès le premier couplet je pose un peu le décor, hein. Oui. Rapidement je dis bon voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas de baiser, alors déjà rien que le terme, tu vois, c'est wow, ouais. Toi, qu'est-ce que j'y dis là? Ah, c'est ça la chanson française, hein. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, hein, c'est plus ce que c'était. Du coup, tu la trouves comment, ton inspiration, dans les faits divers, en observant les gens, comment te vient l'inspiration? Oui, oui, il y a un petit peu de tout ça, en fait. Ou est-ce que c'est autobiographique aussi? Alors oui, il peut y avoir de l'autobiographie, mais une chanson. Comme la cavalcade des années sur mon dernier album, qui parle de cet enfant qui quitte le nid. Oui, il y a un côté très très vécu. Mm-hmm. Après, il y a des chansons comme celle-ci qui vont être un petit peu plus, romancées, on va dire. Mm-hmm. Hein, tu vois, il y a un moment tu te mets à la place d'eux, femme parfaite. Je me suis clairement mis à la place d'eux, mm-hmm. Dont on parlait tout à l'heure. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a surtout en fait, ouais, de l'observation et de tout ce qui peut nous entourer. Et il y a des sujets que tu n'as pas encore abordés, que tu aimerais aborder lors d'un prochain album? Oui. J'ai deux trois thèmes de chansons que j'aimerais bien coucher. Après, est-ce que je vais en parler là? Ouais, je sais pas. Juste un sur les plusieurs. Allez, juste un. Ouais, j'aimerais bien faire une chanson sur le principe de la Madeleine de Proust. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aimerais bien. Et ça se passe comment, l'écriture? Alors, tu te dis, bon, là, aujourd'hui, j'écris, ou alors, je sais pas, t'es au travail ou t'es en voiture et puis t'as une idée, vite, vite, je m'arrête, je note. Comment ça se passe, ton travail d'écriture? Bah, un petit peu tout ça. Soit, en effet, j'ai l'opportunité, par le biais d'un stage, ou même, ça m'est déjà arrivé, de me dire, tiens, je me barre là, pendant 3-4 jours, je vais au fin fond de la campagne, tu vois, je m'isole un peu. Mm-hmm. Et où là, oui, je peux me retrouver à produire une chanson par jour. Mm-hmm. Quand je te parlais d'Astafort tout à l'heure, voilà, comme un ado que je viens de jouer, elle est née en une journée. Hein. D'accord. C'est-à-dire que le soir, ouais, à 9h, je me mets au boulot. Le soir, à 19h, avant l'apéro, on fait les petites restitutions. Hop, tiens, j'ai un truc à vous faire écouter. Mmh. Et boum, et elle était quasi comme là, quoi, tu vois. D'accord. Après, j'ai toujours un petit bloc-notes d'ouvert sur le téléphone où je vais noter 2-3 trucs, des combinaisons de mots, tu vois, des bouts de phrases, des trucs qui à un moment vont devenir le début d'un couplet ou d'un refrain. Mm-hmm. Je me souviens que T'es bien un mec, qui est aussi sur le dernier album, cette chanson, ça faisait un moment que j'avais envie de délirer là-dessus, tu vois, sur ce principe là, pour le coup assez sexiste, hein, quand même. Mm-hmm. Non, mais c'est normal, moi tu peux faire qu'une seule chose à la fois, t'es bien un mec. J'en ai écrit les trois quarts sur une file d'attente au mois de mai, parce que quand il fait beau, ça bouchonne toujours à l'entrée de la déchetterie. Ah oui, bon, c'est vrai. J'ai trois quarts de la chanson qui ont été écrites sur le dos d'un ticket de caisse dans ma voiture. Voilà. Ah bah bien. Et en pleine nuit, ça peut te réveiller? Non. Non, ça va. Non, j'en suis pas là. Et parfois, est-ce que t'as envie d'écrire mais t'arrives pas? Ouais. Panne d'inspiration. Oui. Et ça, quelque part, ça peut être aussi un peu. Quand le temps est un peu compté, des fois, ça peut être une source de pression, un peu. Tu vois, le syndrome de la page blanche, quoi. Mm-hmm, c'est ça. C'est que. Ouais, t'es vraiment tué. Voilà. Tu te remets en doute en ces moments-là, en question? Bah, complètement. Mm-hmm. Complètement. Et une fois, j'ai. Le copain là, dont je parlais, je vais le citer. Arnaud Santamaria, qui, quand j'évoquais Rising Star tout à l'heure, alors Arnaud qui devrait d'ailleurs bientôt sortir un nouvel album, je crois. Bref, qui un jour, je lui en parlais de ça, tu vois, il y a quelques années. Et il m'a dit une phrase qui m'est restée gravée, où il m'a dit: si tu trouves pas la première phrase, Morad, c'est pas grave, écris la deuxième. C'est joliment dit. Mais tellement. C'est vrai. Et est-ce que tu nous ferais pas un deuxième titre sans vouloir abuser de ta gentillesse, par exemple de ton dernier album? T'es bien un mec, ça m'intrigue. Hein. Ah ouais? Bon, bah alors c'est parti. Assieds-toi que l'on parle un peu. Que je comprenne ce que tu veux. Revenir sur quelques positions dans l'art. Je te parle d'opinion. Que l'on casse ces stéréotypes. Je t'avoue qu'à force ça mérite. J'ai une question qui me trotte. Voudrais-tu tenir la culotte? Je veux bien qu'on parle de charge mentale. Mais pour moi, ce qui serait banal, c'est que je puisse m'occuper de l'enfant sans sentir ton regard tout le temps. J'habite ici autant que toi. Et ouais, tu m'aimes quand je nettoie. Tu prends cet air désabusé. T'es bien, mec, hein. Ça c'est signé. Et toi, bien sûr, ça te fait sourire. Je fais la gueule, c'est si mesquin. Je te réponds dans un soupir. Ah ben, ça c'est bien féminin. C'est vrai, je me suis retourné sur cette femme qu'on a croisée. Ça ne fait pas de moi un coureur, je t'ai vu mater le cul du vendeur. Tu vois, je vais pas extrapoler, les attitudes sont pas sexuées. Regarde, je ne fais pas la vidange, la mécanique c'est pas ce qu'il mange. D'ailleurs, je te fais remarquer, côté cuisine pour toi, bah c'est pas gagné, hein. Je propose de prendre un peu de hauteur. Plutôt que de parler de candeur, tu dis quand je rentre de course, dans un gros souffle que je pousse. Tu t'es trompé pour mes serviettes, mais y'a pas à dire, hein. Bah t'es bien, mec. Et toi, bien sûr, ça te fait sourire. Je fais la gueule, c'est si mesquin. Je te réponds un soupir, enfin bah ça c'est bien féminin. Combien de fois j'ai entendu. Mais tu veux pas faire deux choses à la fois, mais tu sais bien. Oh, écoute un peu, je te l'ai déjà dit 100 fois. Non mais t'as vu le bazar? C'est que je suis pas ta mère, hein. Oh là là, mais c'est pas possible, mais regarde ses fringues. Il est tout dépareillé. Mais tu sais pas habiller cet enfant, j'avais pourtant tout préparé, hein. Tu sais ce que c'est, toi, avoir ses règles, hein? Bon, écoute, hein, pour la déco, bah je vais m'en charger. Tu prônes l'égalité des sexes. Qu'il faut enfin changer les textes. Tu sais, pour moi, l'égalité, c'est déjà cesser de comparer. Et moi, bien sûr, ça me fait sourire. Tu fais la gueule, je suis mesquin. Répond dans un sourire, c'est ce que j'aime chez toi. Tu sais bien, allez mon râle. Mais non, mais écoute, mais c'était pour rigoler, voyons, mais je t'assure, c'était pour te taquiner. Tu sais bien que que je t'aime comme tu es, voyons. Allez, viens, viens, on va faire un câlin. Allez. Bravo. Merci. J'aime trop. Est-ce qu'il y a une petite histoire encore? Bah, j'aime bien les petites histoires, ça, moi, quand même. Non, mis à part un petit peu ce que je t'ai déjà raconté, voilà, j'ai écrit ça en attendant l'entrée de la déchetterie. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Non, mais sinon, clairement, c'est une position, là, pour le coup, tu vois, où, ouais, le. Non mais c'est normal, t'es un mec, c'est normal, t'es une nana, ça me saoule, ça me saoule, donc voilà. Et du coup, t'écris avant, tu fais les accords après, ou des fois ça peut être l'inverse, t'as le son et tu écris après? Alors, je me suis peut-être un peu mal exprimé, j'ai pas les termes. Rares sont les fois, mais c'est déjà arrivé, où j'ai un texte qui déboule. Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir tout un texte orphelin sans savoir trop quoi en faire. Après, il est arrivé rarement, mais quelquefois, que j'ai juste une mélodie. Par exemple, cet air-là. Ça, c'est sur un banc et voilà. J'avais en fait cette grille d'accords qui me tournait, mais qui m'a tourné mais pendant mais des années en fait. Et je savais que voilà, j'allais parler d'une vieille personne qui allait un peu avoir ce côté nostalgique sur sa vie. Point. Mais ça m'a mis du temps. Et après, sinon bien souvent, ce qui se passe, c'est que je vais commencer à écrire structure couplet-refrain. Et là, je vais commencer un petit peu à poser quelques accords, une mélodie. Ah tiens, c'est pas mal. Et puis une fois que j'ai tout ça, j'ai genre mon premier couplet, mon premier refrain, j'ai la mélodie, et avec tout ça, bah ensuite je crée le reste. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause et on met un petit peu de musique et puis on reviendra sur l'actualité à venir te concernant. Est-ce que ça te va? Mais avec plaisir. À tout de suite alors. À tout de suite. Possible par les escaliers. Alors là, vous dégagez pas là-bas. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez, hop. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, les pavots dépasseront de comme des quilles, des têtes rouges, en un mot la famille. Sola. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, dès qu'ils voulaient profiter de la pagaille. Aïe, aïe, aïe. Pas slamé depuis un bail. Tout à coup le trait café en bas, c'était pas des paroles en l'air. Allez hop, travaille. Je crois que ça va pas être possible. J'ai sur le bout de la langue un mot qui me brûle, un mot qui m'embrouille. La tête m'arrache les os, me griffe le cerveau, m'abîme de bas en haut. J'ai sur le bout de la langue petit cœur qui tangue, sur le bout de la langue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue. Il y a sous ta peau comme un frisson qui me touche, un éclair sur ta bouche. Moi près de toi, non je ne bougerai pas, même si tu ne m'écoutes pas. J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue, sur le bout de la langue ton petit cœur. Du doigt, si je veux tes mains d'abord, si je te demande encore de me raconter l'histoire des gens qui s'aiment une nuit, des gens qui s'aiment une vie. J'ai sur le bout de la langue

tout ce qui nous enracine. Il faut que l'on fasse attention à ne pas devenir des vieux cons. Vous venez d'écouter la chanson « Des vieux cons » de Mourad. Mourad qui alors, est toujours... souvent, on nous demande... Oh, j'ai cru que c'était toi qui me parlais maintenant. Ah, ça c'est encore moi, ça. C'est encore toi. Voilà, t'es plus là. Je te jure, j'ai cru que... Bah, j'ai dit, bah, je l'ai pas, j'ai pas allumé son micro quand je te dis que je veux... Non, je disais ça à Martine tout à l'heure. En fait, dans mes émissions, il y a toujours des problèmes techniques où je bafouille, où je trouve pas mes mots. Mais bon, c'est ce qui fait mon charme, je vais dire. Tout à fait. Bon, donc je disais, on vient d'écouter Des vieux cons que tu avais interprété chez nos confrères de France Bleu. Exactement. Une petite histoire qui va avec. J'aime bien, hein, j'insiste, hein. Mais il n'y en a peut-être pas tout simplement. Non, non, il n'y a pas forcément, d'anecdote particulière sur celle-ci. C'est une chanson qui que j'ai, pour laquelle j'ai vraiment pris plaisir en fait à écrire, voilà, de chercher un petit peu ces petits clins d'œil de routine qui peuvent buter, quoi. Parce qu'en fait, voilà, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Ah, quelque part, elle est. C'est pas qu'on, je peux pas dire qu'on la vit lourdement cette chanson, mais elle fait face, enfin quelqu'un qui, un couple qui va aller te voir en concert par exemple, j'imagine, hein, peut-être qu'ils vont se regarder, oh, putain on est comme ça quoi. Pardon, j'étais pas, ouais. J'ai mal parlé. Non. Purée, on est comme ça. Non mais oui, non mais c'est un peu ça, c'est un peu ça qui est recherché, sur lequel je fais un petit peu des traits d'humour quoi, mais enfin voilà le. Ce qui est en filigrane, c'est de dire la routine tue. Oui, complètement. Faites attention. voilà. Et je m'en amuse d'ailleurs juste sur mon petit passage sur la fin où je parle de la pression de la douche. Je m'amuse des fois en mail en concert, pardon, à glisser le. J'ai toujours pas compris. Et moi, je m'amuse juste à écouter les réactions, parce que des fois, j'entends les gens sourire, un peu pouffer, et puis des fois, c'est vraiment stoïque. Et où des fois, je me dis, ça se trouve, en fait, il y a des gens, là, enfin, au moins ceux qui sont juste pas bien loin de moi, ils ont pas compris la petite blague, en fait, de cette histoire de, ah, oh, dis donc, la douche manque de pression, chérie. C'est subtil, c'est joliment dit. Merci. Tes futurs concerts, si on veut venir te voir. Alors, dans le coin d'Orléans, venez tous. Je vais partager la scène au mois d'avril avec mon ami Vince Terranova, qui est un ami d'Ardèche, avec qui souvent on partage des coplateaux. Et le 13 avril, nous serons au VNB d'Olivet. D'accord. La semaine d'après, nous serons plus loin. On va jouer à Bourges. Pour nous voir après tous les deux, faudra attendre juillet. On refait des concerts dans le coin le 21 avril, si mes souvenirs sont bons, à Saint-Jean-Bray au Meeting Pot. Mm-hmm. Là, j'annonce des exclus parce que j'ai pas du tout encore communiqué dessus. Hein. et on jouera aussi à la Capitainerie à Main-sur-Loire le 23 juillet également. Mm-hmm. Voilà, ça c'est les dates avec le copain Vince. Après d'autres dates sur Orléans pour Mourad, le 9 juin, je serai à la Petite Brasse à Olivet. Mm-hmm. Puis je peux vous dire aussi qu'il y aura une seconde partie. Là, je sors de résidence avec Fredo, donc des volos. On a passé 3 jours ensemble à travailler sur ma mise en scène et d'ailleurs quelques images. Tu as diffusé tout à l'heure ta vie de garçon en version live qui a été donc tournée pendant cette session de résidence. Donc une résidence. Je vais juste expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. C'est pas un EHPAD. Non, c'est pas ça. pas encore. Non, le travail de résidence, d'un point de vue artistique, en fait, ça n'existe pas que pour la musique. Hein, y en a aussi pour le théâtre, il y en a pour plein de trucs. C'est de se dire, on va se mettre dans les conditions, dans les vraies conditions. C'est-à-dire, on va se brancher, on va travailler le son, on va travailler les lumières, et puis on va aller travailler donc la mise en scène. D'accord. C'est-à-dire, il y a un moment, en fait, là, je vais prendre ma guitare et je vais dire ça. Parce que oui, tout est écrit en fait. Hein. Donc et puis je vais rentrer comme ça sur scène et puis je vais ressortir comme ça. Voilà. Tout ça, c'est. Ah, il y a pas d'impro. Non. Là, quand on travaille justement dans ce cadre-là, une résidence, c'est vraiment pour. Il peut y en avoir, bien sûr. Enfin, à mon sens, il faut toujours rester réactif avec le public. Mais voilà, le principe de la résidence, c'est de travailler tout ça, en fait. Mmh. À quel moment finalement tu vas intervenir? À quel moment tu vas balancer une blague ou pas une blague? Enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc on vient de travailler 3 jours dessus. On va retravailler. Fin juin, pour l'instant, je ne dévoile pas les dates, mais surveillez juste parce qu'en fait, ça aura lieu aussi Orléans et ses alentours. D'accord. Et souvent, ce qu'il se fait, c'est un concert de sortie de résidence. Et cette fois-ci, il y aura un concert de sortie de résidence fin juin. Mm-hmm. Voilà. Et justement, tu nous dis de surveiller tout ça. Peux-tu nous rappeler où est-ce qu'on peut surveiller tout ça? La meilleure porte d'entrée, le meilleur portail reste mouradchante.fr, mon site internet, donc mouradchante.fr, à partir duquel il y a le petit onglet avec les concerts, et il y a aussi tout en haut de l'écran des petits pictogrammes sur lesquels on peut cliquer pour aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu as un peu une voix radiophonique, je trouve. Eh bien, merci. J'ai fait un petit peu de radio aussi, vite fait, chez des confrères associatifs du côté de Châteauneuf-sur-Loire, il y a quelques années de ça. Voilà. D'accord. C'est un beau souvenir. Oui, non, mais carrément. Mm-hmm. Carrément, c'était. Alors, à l'époque, bon, du coup, tu me relances à raconter des trucs. Hein, j'avais en fait démarché. Je commençais tout juste mes aventures musicales solo. Et j'avais démarché la radio. Et le directeur d'antenne à cette époque-là m'a dit, ah c'est bon, enfin voilà, j'avais pas encore du titre qui pouvait passer, tu vois, une simple guitare voix passe à la radio au milieu de la playlist, tu vois, c'était un petit peu chaud quoi. Mais il m'a dit, mais par contre j'ai une émission live, ok, et en fait pour accueillir aussi les artistes, j'aimerais bien un musicien, ça te dirait pas? Ok, peut-être, pourquoi. Donc voilà. Voilà comment je me suis retrouvé à animer une émission où le concept c'était d'accueillir des artistes, les faire un petit peu jouer, discuter un peu, enfin voilà. Et c'est comme ça que j'ai tant reçu des groupes locaux tels que De Ruiz, Liz Van Duck, les Lady Birds aussi à cette époque-là, et puis des groupes un peu plus nationaux. J'ai reçu les Blancas par exemple, enfin voilà. D'accord. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Quel est ton genre musical? La musique. Non, mais comme musique, justement. Bon, écoute... Tu pourrais très bien écouter des podcasts. J'écoute aussi des podcasts. Ah ouais, tiens, on peut parler de podcasts. en plus, il y en a des vraiment chouettes, je trouve. Oui. J'ai mis du temps à me mettre au concept podcast. C'est trop bien. Mais j'adore écouter les podcasts en voiture. Oui. J'adore ça. Bref, mais là n'est pas le sujet. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Et bien, écoute, influence, ouais. J'ai un petit peu plein de trucs. Alors, je t'en ai cité un petit peu. Voilà, l'Untuck de Nirvana, oui. Jean-Jacques Goldman aussi tout à l'heure. Je t'ai parlé d'Aldebert aussi. Voilà, il y a un petit peu de tout ça. J'aurais tendance à dire que, dans mes derniers coups de cœur, autant. J'ai beaucoup écouté là le dernier album de U2. Je trouve que d'ailleurs c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Alors, certains diront que c'est facile, moi je ne trouve pas. Revisiter 40 titres et les réorchestrer, leur redonner parfois une nouvelle âme. Waouh. Enfin voilà, alors en effet hein, parce qu'ils s'appellent U2 et ils sont sûrs de vendre. Mais voilà, musicalement moi je trouvais ça vraiment intéressant. Je suis ravi d'aller voir tiens, je viens de prendre des places pour aller voir Case Choice. Avec mon fiston, Case Choice, c'est un groupe de rock belge, très très très très bon. voilà, des trucs un peu plus médiatisés. Si je reste sur le rock, hein, voilà, des Muse, de Coldplay, compagnie. Mon dernier gros coup de cœur côté français. Alors j'ai pris une grosse claque avec le trio Éphémère. Voilà, Gaël Faye, Grand Corps Malade, Ben Mazué. Ouais. C'est voilà, 7 titres, un EP qui s'écoute du début à la fin, et voilà, c'est, il y a vraiment des petites pépites. J'ai craqué totalement sur, je crois que c'est sur son dernier album, Albin de la Simone, avec un titre qui s'appelle Les 100 prochaines années. Mmh. Voilà, un très très joli titre. Qu'est-ce que tu fais toi les 100 prochaines années? C'est ce qui chante sur son refrain, voilà, c'est très très joli. On va travailler a priori. Ouais. Donc voilà ce que j'écoute, tu vois, c'est assez diversifié, et puis après aussi un petit peu de classique de temps en temps. J'aime bien, voilà, me lancer un petit peu de Mozart ou même du Rachmaninoff. J'aime beaucoup. C'est souvent ce que je fais aussi, sur plein de trucs, hein, mais voilà. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que il est déjà 17h47. Ouais. On a bientôt fini, c'est passé trop trop vite. Mais c'est pas fou, non. Non, c'est vrai que c'est passé vite. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ou as-tu si? Je sais pas, moi, plein de concerts. Ouais. Plein de concerts et qui est synonyme aussi de voyage et d'échange. Mm-hmm. Quand je dis de voyage, c'est voilà, moi j'ai je suis ravi en fait à un moment, tu sais, de voyager aussi avec mes guitares, oui, parce que maintenant je me déplace avec deux guitares. Mmh. Avec mes guitares dans la voiture, voilà. J'ai joué du côté de Genève il y a pas longtemps, j'ai des dates en Normandie comme j'en ai parlé tout à l'heure, je vais aussi en Côte d'Armor bientôt au mois d'août, je crois. Voilà, ravi de voyager, et puis après des chouettes rencontres, voilà, comme ça a pu nous arriver, tu vois, à tous les deux, à discuter à la sortie d'un concert. Oui, je m'y attendais pas en plus, parce que j'accompagnais une amie au concert de Volo, et je ne savais, enfin déjà moi je connaissais pas trop, j'avoue que des fois mes connaissances musicales sont restreintes, et je dis je viens avec toi, je vais découvrir, et je savais pas du tout que c'était toi la première partie, et je dis ah c'est Mourad, je dis je connais, j'ai déjà vu, c'est trop bien. Comment je t'ai vendu? Ah là là. Ah là là. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Ça aussi, ça, tu vois, les voilà, bon, Volo, je les ai pas cités dans mes écoutes, c'est aussi des artistes, des copains, mais c'est aussi des artistes que j'apprécie beaucoup. Des très beaucoup. Beaux textes. Aussi. Et voilà, et moi, toutes les fois où j'ai pu partager, faire leur première partie, c'est voilà, ça aussi, ça, tu vois, j'en veux plein d'autres, moi-même des premières parties, j'en veux bien plein. Et puis voilà, et puis plein de salons pour faire de concerts. Des concerts privés. Des concerts à la maison. Mais oui, des concerts à la maison. Allez. Avec les copains, les copines. Mais oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je viendrai avec un gâteau, si vous voulez. Fait par toi? Bien sûr. Ah. Qu'est-ce que tu nous feras de bon? Oh, je sais pas. Écoute, quelle est ta spécialité? J'en ai pas vraiment, en fait. Tu regarderas avant un petit peu, petite recherche. Ouais, on peut demander peut-être plutôt chocolat, plutôt fraise. Oui, alors sans être trop exigeant, tu vois. Genre, alors je voudrais un opéra. Non, demandez-moi un cake. Hein, voilà. Hier j'ai fait un cake au citron. C'est trop bon ça. C'est trop trop bon. Et un petit bonjour à passer peut-être. Là comme ça. Ouais, comme ça. Salut. On se connaît, on s'est croisé il y a pas longtemps. Ou il y a longtemps peut-être, hein, mais on se connaît. Salut. Voilà, comme ça tout le monde le prend. Tout le monde le prend. Et toi qui m'écoutes là, mais oui, tu te souviens, hein? Bah oui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais écoute, ravi. Salut. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai avec passé un excellent moment. Super, pas avec vous, pareil. Avec plein de petites notes d'humour, et j'adore ça. Et la radio t'est ouverte quand tu veux. Et j'essaierai de venir au prochain concert là au mois d'avril à Olivet. Mmh. Voilà. Avec grand plaisir. Et voilà. Et autour de fin juin, enfin, voilà, je vais.

área adversária, tendo até marcado primeiro na partida. Na segunda parte, o Benfica acabou por impor o seu domínio e com isso festejar justamente a conquista da Taça da Liga. As equipas no relevado já com todo o cenário a preparar-se para ser montado para a entrega do troféu, que já aqui passou antes do início do encontro. Cláudio Martins, entregue-te os comandos, agora vamos gerindo. Com via aberta para Aveiro, para ti, João, também para o Pedro Ribeiro, que vai ter, creio, a possibilidade de reportagem, de ouvirmos protagonistas deste encontro. Estamos também aqui com os olhos no Canal 11, o canal da Federação Portuguesa de Futebol, que transmitiu esta final da Taça da Liga Feminina. Estamos com os olhos nesse canal para termos a possibilidade de ouvir as reações das protagonistas, desde logo dos treinadores, Gonçalo Nunes do lado do Sporting Braga e também Filipe Patão do lado do Benfica. Vamos dar um pulo a Vizela para conferir o andamento desse Vizela Casa Pia com o jornalista Nuno Braga. Depois de uns minutos iniciais, segunda parte de maior fulgor da equipa do Casa Pia, a equipa de Tulipa conseguiu equilibrar as operações com as três alterações introduzidas pelo técnico da formação da casa. Entraram Rashid, Aidara e ainda Etim para os lugares de Ivanildo Fernandes, Osmaites e Nuno Moreira. E foi depois dessas mudanças produzidas pelo técnico Tulipa que a equipa do Vizela conseguiu construir um lance para passar para a frente do marcador. Um canto batido por Samu e Pedro Ortiz de cabeça a desviar por cima do travessão. O Casa Pia respondeu quase de imediato num lance de Godwin no coração da área adversária. O remate foi, no entanto, bloqueado por Assam Rashid, já o disse, lançado nesta segunda parte por a Tulipa. Esse remate de Godwin levava selo de golo. Vamos com 74 já cumpridos nesta partida. Mantém-se o empate a uma bola entre Vizela e Casa Pia. Na segunda liga, Oliveirense e Tondela também estão empatados a zero. No caso, o jogo está com 73 minutos cumpridos. Em Inglaterra já terminou. Arsenal 4, Leeds United 1. Nada se altera em termos de classificação da Premier League. Ao início da tarde, o Manchester City tinha goleado o Liverpool por 4-1. Responde a equipa do Arsenal também com o mesmo resultado, a vencer o Leeds United. Permanece firme no topo da classificação a equipa londrina. Resultado final também: Bournemouth 2, Fulham 1, Brighton 3, Brentford 3, Crystal Palace 2, Leicester 1 e Nottingham 1, Wolves também 1. Às 5:30 da tarde, o Chelsea vai jogar em Stamford Bridge com o Aston Villa. Em França, já na segunda parte, Auxerre 0, Troyes 0. A chegar ao final, em Espanha, Atlético de Bilbao 0, Getafe também 0. Em Itália, começou há 5 minutos, Inter e Fiorentina estão a afrontar-se em Milão. O Inter, recordo, é adversário do Benfica na Liga dos Campeões. Ainda a decorrer nesta altura no basquetebol, o clássico entre Benfica e Sporting está já no último período, quarto período, e para já com vantagem das Águias, 84-72 nesta altura. A Ovarense está a perder em casa em Ovar com o Futebol Clube do Porto por 47-54. No handball, Águas Santas 23, Madeira Sade 20. O jogo está já na segunda parte deste Nacional de Handball e começou há instantes, um minuto precisamente. Benfica 0, ABC 2. O jogo está a começar nesta altura, este clássico do handball nacional. Aproveito para atualizar, em Espanha já terminou, Atlético Bilbao 0, Getafe 0. Às 5:30 jogam Cádiz e Sevilha. Por cá está a decorrer esse Vizela 1, Casa Pia também 1. Daqui a pouco esperamos trazer as equipas iniciais do Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira, que arranca às 6 da tarde. Este sábado vai acabar com esse Sporting Santa Clara a partir das 8:30 da noite. João Correia, Luís Cristóvão, eventualmente o Pedro Ribeiro, que está já, imagino, a caminho de reportagem. Vamos em frente com análise, comentários. Eu vou interromper interromper assim que tivermos a possibilidade de ouvirmos protagonistas deste triunfo do Benfica sobre o Sporting de Braga. O Benfica volta a conquistar a Taça da Liga. Tinha perdido na última temporada, tinha perdido a possibilidade de a vencer na última temporada. Ela pertencia ao Sporting de Braga, que falha essa revalidação, e o Benfica soma a terceira da sua história. Há aqui duas imagens importantes de reter do lado da festa do Benfica, liderada pelas duas do costume, Kika Nazaré e também Jéssica Silva. A outra imagem, não tão feliz, mas mesmo assim deixa um sorriso no rosto. É Pauleta, junto das suas companheiras. Ela que está de muletas depois de uma lesão grave, está de fora para o resto da temporada. Um tipo de lesão que tem atormentado e de que maneira o futebol feminino, não só nacional, mas internacional. Ela está ali de muletas, junto das suas colegas, também a fazer a festa no relvado. E Cláudia, vais ter Nicole no Canal 11, a melhor jogadora em campo. Vamos ouvir isso mesmo. Nicole já está aqui a surgir no nosso ecrã. Ela fez dois golos, recebe agora esse troféu de melhor em campo. Estou a vê-la com essa distinção, a ver, vamos, se a dianteira do Benfica vai falar sobre este jogo. Creio que sim. Vamos ouvir, Nicole. Nicole, muitos parabéns pelo prémio, por mais um troféu. Como é que se sente no fim desta partida? Muito obrigada. Eu dedico esse prêmio a toda a minha equipe, a todos os adeptos que aqui estavam. É um grande privilégio ser campeã, e ser campeã com o Benfica é um privilégio maior ainda. Então eu dedico a eles, aos adeptos, à minha equipe, porque sem elas eu não teria conseguido. E depois de ter vindo de uma lesão, esta época está a correr melhor. 15 golos agora na temporada. Que objetivos tem mais para esta temporada? A lesão faz parte da vida do atleta, então superei isso bem. Os objetivos agora é levantar todas as taças possíveis com o Benfica. E a gente vem trabalhando bastante, jogo após jogo, para que a gente possa concluir todos os objetivos. Nicole, antes de a deixar ir também para desfrutar da festa com as restantes jogadoras e com os adeptos que estiveram aqui presentes, peço-lhe também uma análise a esta partida. O Benfica acaba por sofrer primeiro, mas depois faz a reviravolta no marcador. A nossa equipe acabou sofrendo o primeiro gol, mas nós tivemos a cabeça no lugar e sabíamos que tínhamos que fazer o nosso trabalho, e fizemos bem feito. Isso nos coroou com a vitória. Então, como eu falei, agradeço aos adeptos pelo apoio, e agradeço a minha equipe por ter me ajudado a conquistar, ser eleita a melhor jogadora da partida. Muito obrigada, Nicole. Foi a melhor em campo, marcou dois golos, no caso eleita à revelia do que decidiu o Luís Cristóvão, que votou na Kika Nazaré. Vamos ouvir a guarda-redes do Sporting de Braga. Patrícia Moraes está naturalmente com uma cara de desalento, mas recebe o prémio de melhor guarda-redes desta final. Feminina, também um momento para a fotografia. Patrícia, um rosto triste, mas esse prémio melhora alguma coisa o sentimento de hoje não terem conquistado este troféu? Para mim, os prémios individuais não significam nada, referia ao título. Não me sinto satisfeita nem por ter recebido o prémio. Agradeço a quem o assim nomeou. Relativamente ao jogo, até o momento, o Benfica marcou 2-1, estava controlado, os erros pagam-se caros. Há que levantar a cabeça e aprender com os nossos. A verdade é que mesmo o terceiro golo foi uma infelicidade para a Patrícia. Ainda assim, a Patrícia foi exímia na partida, tirando os três golos do Benfica. Essa análise também que faz durante a partida, foram erros, mas a sua prestação, como esse prémio indica, foi boa. É difícil falar. Acima de tudo, é crescer com uma equipa. Já disse que não importa as defesas que eu fiz, porque não ganhámos. É levantar a cabeça e pensar no jogo após jogo, para nos fortalecermos enquanto equipa e sairmos daqui mais fortes. Patrícia, antes de a deixar ir, nem tudo está perdido. O Braga ainda está na Taça de Portugal, está também a lutar pelo campeonato. Acredita que esta época ainda vão levantar um troféu? Não tenho dúvidas que depois de ver a minha equipa, em que muitas jogadoras nunca estiveram numa final, certamente daqui a 1-2 meses as coisas serão diferentes, e vamos fazer as coisas de maneira diferente, e sem dúvida ainda há um percurso pela frente até lá. Agora é ficar jogo após jogo. Afinal, se lá chegarmos será diferente. Muito obrigada. Ficamos então com as coisas. Patrícia Moraes não está nada satisfeita, naturalmente. A guarda-redes do Sporting de Braga acabou por perder esta final. Não consegue a equipa arsenalista revalidar o troféu. Rapidamente vamos a Vizela. Adianta-se novamente no marcador. Novamente nada. Não vamos nada à Vizela porque temos a possibilidade de Gonçalo Nunes, treinador do Sporting de Braga, analisar este encontro. Vamos ouvi-lo. Primeiro ao golo e depois acaba por não conseguir segurar o resultado. Sente que o Vizela marca nesta altura, põe-se em superioridade sobre o Casa Pia por 2-1, já vamos a Vizela, agora Gonçalo Nunes. Claramente um jogo que demonstra que somos cada vez uma equipa mais completa, melhor. Acho que o lance na primeira parte que origina o 1 do Benfica é um lance que acaba por penalizar. Não consigo, já vi várias vezes a imagem, não consigo compreender nem aceitar que se repita aquele lance, e é completamente diferente até por aquilo que é a tranquilidade do ir a ganhar ou do ir empatado com o momento daqueles, que acho que foi um momento que as jogadoras também acabaram por sentir. Segunda parte, entrámos novamente de forma competente, acho que conseguimos aquilo que pretendíamos. Tivemos um bocadinho mais de dificuldade de ligar nas transições, acabámos por sofrer um golo numa situação num erro, uma jogada um bocadinho esquisita, e acho que a partir daí, com o 2-1, o jogo partiu, e o jogo partido contra uma equipa como o Benfica fica claramente um jogo mais difícil. De qualquer das formas, dar os parabéns àquilo que a equipa fez, àquilo que tem sido o crescimento da equipa, e será apenas uma derrota. Voltaremos certamente mais fortes e continuaremos certamente a crescer. Não queria deixar de dar uma palavra de apreço e de agradecimento para aquilo que foi a comparência em massa dos nossos adeptos, a pedir-lhes desculpa, não era o resultado que queríamos, mas que nos continuem a apoiar, continuem a apoiar esta equipa merece esse apoio. Ajudem-nos a continuar a crescer, porque vamos voltar a estes palcos e vamos levar títulos para Braga. Gonçalo, antes de o deixar ir, até porque devemos ainda continuar esta flash interview, a verdade é que arriscou muito também nas suas substituições. Queria que também explicasse o que é que também planejou para a segunda parte do jogo. As substituições também surpreenderam um bocadinho, as suas substituições. Queria também que ele explicasse todas, na verdade. Não, em relação às primeiras substituições, nós não mudámos nada. Mudámos jogadoras. A ideia da troca de jogadoras, claramente, não só dar mais lucidez e outra condição à equipa, sentimos que isso era importante. A Vanessa, uma jogadora capaz de desequilibrar, com a experiência que traz, com a qualidade, também de segurar e de sair com outra qualidade. A Jolene, o objetivo era termos alguém fresco na linha de ataque para podermos estar contentes no momento de transição enquanto estávamos a sair. E depois, no final, as substituições, mais numa situação em que íamos partir o jogo nós, íamos no fundo correr mais riscos, estar com mais gente à frente, menos gente atrás, e portanto queríamos pernas frescas para isso. Muito obrigada, Gonçalo. Ficamos então com as palavras. Gonçalo, treinador do Sporting de Braga, Cláudia, que perdeu esta final. Sim? Cláudia, a possibilidade de flash interview Antena 1 com Ana Vitória, a subcomitante desta equipe. Ana, que significado é que tem esta vitória hoje aqui em Aveiro? Tem muito significado. A gente tem trabalhado demais durante essa temporada para conquistar aí todos os títulos possíveis, e nós buscamos todos que nós disputamos. Então é um significado muito especial, uma volta por cima que a gente dá, voltando a jogar bem e perto dos nossos adeptos, que estão aqui mais uma vez nos apoiando e nos dando essa força que dão do início ao fim, do primeiro ao último minuto. Eles são mesmo incríveis. Os momentos mais difíceis, né? A gente saiu ali perdendo e foi quando eles estiveram ainda mais afinco para nos levantar, para nos dar moral e para nos ajudar e jogar conosco. Esta vitória dá também outro ânimo em termos de campeonato, obviamente, mais força para continuar. Acho que ânimo a gente já tem motivo de sobra para ter, só por estar jogando, representando o Benfica, já é motivo suficiente para ter toda a motivação do mundo, né? E óbvio que é sempre bom ganhar, taças e jogos e tudo mais, e é para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente representa essa camisola. Então, não a vitória propriamente que dá ânimo, mas o trabalho em si dá. Muito obrigado, Ana Vitória, subcapitã da equipa do Benfica, que esteve à conversa com a Antena 1 a falar sobre esta vitória na final da Taça da Liga e também o futuro. O futuro passa pela conquista do título nacional para a equipa do futebol do Benfica. Obrigada, Pedro. Via aberta para mais motivos de reportagem para ti a partir aí do relevado do Municipal de Aveiro. Daqui a nada vai começar a cerimónia de entrega do troféu e por isso Nuno Braga pede que sejas telegráfico a contar-nos como é que o Vizela carimbou essa reviravolta frente ao Casa Pia. com mais um autogolo, mais uma infelicidade de um central da equipa do Casa Pia, agora João Nunes, canto batido à esquerda do ataque da formação vizelense por Kiko Bondoso e de cabeça João Nunes acaba por introduzir na baliza dos Gansos, agora 87 de jogo, 2 para o Vizela, e é o terceiro, acaba por marcar a equipa do Vizela mais um, parece-me esta distância é time, tira a camisola, festeja, está arrumado o assunto do jogo, 87-3 para o Vizela, 1 para o Casa Pia. Confirmando-se este triunfo do Vizela, é um pulo importante em termos de classificação para a equipa de Manuel Tulipa. O Vizela vai chegar aos 35 pontos, vai colocar-se no 8º lugar. Vamos voltar a Aveiro, porque João Correia, Pedro Ribeiro, já estão as equipas a receberem as distinções por estarem neste jogo decisivo. Vi aqui através da transmissão do encontro que já esteve a equipa de arbitragem, agora é do Sporting de Braga. É um momento importante desta final e faz sentido que passemos a bola para aí, para a vossa descrição, para percebermos o que vem os vossos olhos e os ouvintes perceberem o que está a acontecer nessa reta final deste jogo decisivo. Força, Pedro. É com as jogadoras agora da equipa do Sporting de Braga a receberem a medalha de participação nesta final da Taça da Liga das mãos do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Está lá também João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Ainda Mónica Jorge, ela que é a diretora, uma das grandes armas deste futebol feminino português, se assim podemos dizer, já com vários anos de trabalho, tanto a nível de clubes, associações de futebol e também agora na Federação Portuguesa de Futebol. Dizia eu, as jogadoras do Sporting Braga estão a receber a medalha de participação. Daqui a pouco vai subir também a equipa do Benfica, vai subir o palanque, porque o palco de facto é curtinho, chega em termos de espaço, mas não é alto. Fernando Gomes lá está, agora a conversa com o secretário de Estado, vão ainda preparando-se as jogadoras da equipa do Sporting Boa Benfica, já com o cascol alusivo a esta final da Taça de Portugal. É bonito que as jogadoras do Sporting Braga agora fizeram o túnel para as jogadoras do Benfica passarem para então receberem a medalha e também a taça desta Taça da Liga. Pedro, deixa-me aqui dar-te aqui uma nota, não sei se concordas comigo. O palco é colocado fora do relvado, não é muito habitual, não é? Muito provavelmente por causa da chuva, não sei, sou eu a dizer, é de facto colocado aqui na parte de cimento, naquele espaço que habitualmente dizemos que é da pista, ou da pista de tartan. Não há aqui no Estádio Municipal de Aveiro, é tudo em cimento à volta do relvado, mesmo à entrada para a bancada central, naquela em que te encontras, a bancada principal, agora com as atletas do Benfica, obviamente diferente, um sentimento diferente em relação às atletas do Sporting Braga. Aqui a felicidade estampada no rosto, o ânimo, brincarem umas com as outras, e também, algumas, Pedro, palavras deixa-me... todas preparadas para receberem a medalha e depois erguerem aos céus esta Taça da Liga que conquistaram aqui em Aveiro depois da vitória frente à equipa do Sporting Braga por 3-1. Está aqui todo o staff da formação do Sporting Lisboa e Benfica no que toca ao futebol feminino, jogadores, a equipa técnica, os restantes elementos que vão acompanhando também a equipa de futebol feminino. E agora o cimento já ia causando aí um acidente, Pedro, porque Kika Nazaré estava aqui a acompanhar de cima, escorregou enquanto saltava com as suas companheiras. Ela vai tentar outra vez, vamos ver se desta vez acaba por correr melhor, porque o cimento, para quem está de pitons, muitos deles de alumínio, não é nada confortável. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mesmo para a atleta aqui que vem atrás, que se lesionou ao longo da temporada, está de muletas, mas também vai para receber a medalha e a taça das mãos do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Lá dentro do relvado está também a equipa de arbitragem, composta por 5 jovens. Passa por aqui também o futuro da arbitragem a nível nacional, quem sabe internacional. A equipa do Sporting Braga está ainda à espera, também dentro das quatro linhas, público na bancada, expectante. Estão mais agora, obviamente, na equipa do Sporting do Benfica, porque venceram esta taça, e depois menos, porque já abandonaram o estádio os adeptos do Sporting Braga. Está tudo preparado. Já está o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e também o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, para a entrega da taça, que vai ser erguida neste momento. Lá estão os fumos brancos, também os confetes brancos e vermelhos. É a festa em Aveiro, cidade ria portuguesa, para a equipa do Sport Lisboa e Benfica, equipa de futebol feminino. É a festa das encarnadas, vão saltando com a taça aos ombros. É a conquista da Taça da Liga 2023 por parte desta equipa do Sport Lisboa e Benfica. A festa agora é toda delas. Vem aí o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, com quem vou tentar falar, se puder, obviamente, também com o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia. Vamos aguardar mais alguns momentos para tentar falar com os elementos que estão aqui à minha frente. Vamos ver. É deixar esta nota ao som de The Script e da música All of Fame. Foi Pauleta a levantar o troféu, ela que já referimos, e o Pedro também o fez, está de muletas devido a essa lesão grave. Foi entregue a ela esse troféu para levantar a terceira taça da Liga para o Sport Lisboa Benfica e para o Museu Cosme Damião. 2019-2020, 2020-2021, 21-22 vem a vez do Braga, 22-23 volta à posse dos encarnados. Kerrer inaugurou o marcador ao minuto 35, um bis de Nicola ao minuto 67 e ao minuto 85 o empate chegou pelos pés de Carol Costa e da sua estreia a marcar com a camisola do Benfica nesta temporada. A festa vai sendo feita ao nível do relvado e Cláudia, enquanto o Pedro tenta conversar com mais alguém, propunha passarmos aqui caminho para o Luís Cristóvão. Até porque temos precisamente 22 minutos até ao final desta emissão especial. Eu percebo que vai sendo feita essa festa na bancada, na tribuna de honra desse estádio. Já deu para perceber a presença do presidente do Benfica, Rui Costa, também de José Coceiro, da liderança da Federação Portuguesa de Futebol, e ainda do selecionador nacional Francisco Neto, selecionador nacional da equipa principal feminina, Francisco Neto. Ele teve muitas atletas aí para observar. Portugal tem dois encontros de preparação pela frente, já no arranque do mês de abril, dias 7 e também dia 11, frente ao Japão e também frente ao País de Gales. Vamos em frente em termos de análise e comentários, sendo que já ouvimos em termos de protagonistas Nicole Reisler, Patrícia Moraes e também Gonçalo Nunes. Temos ainda a expectativa de podermos ouvir a treinadora do Benfica, Filipa Patão. Acontecendo, eu interromperei, João, sendo que há também via aberta para Vizela e para esse Vizela Casa Pia, que está na reta final e a ser acompanhado pelo Nuno Braga. Ele interromperá quando o jogo terminar, quando o árbitro Manuel Mota apitar para o final desse encontro. Até lá, proponho de facto que, João, tu e o Luís vão atalhando comentário e analisando esta final que acabou por ser ganha pelo Benfica. E é com Luís Pissarra em tom de fundo e o hino do Benfica que se vai fazendo essa festa ao nível do relvado. Luís Cristóvão, antes de olharmos para o jogo, propunha olharmos para as declarações, nomeadamente das jogadoras do Benfica. O Benfica este ano é para ganhar todas as competições nacionais em que está inserido. Sim, e não poderia ser outro discurso das jogadoras encarnadas, tendo em conta que estamos perante um plantel que, pelo investimento feito, coloca o Benfica num patamar diferente de todas as suas concorrentes em território nacional. O Benfica tinha o objetivo de estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, objetivo que conseguiu atingir. Nessa fase de grupos da Liga dos Campeões acaba por fazer uma excelente prestação, num grupo onde estava o Barcelona, que atinge as meias finais da prova, e o Bayern de Munique. Essas duas equipas ainda muito longe daquilo que é a realidade portuguesa, mas o Benfica procura aproximar-se desse nível europeu e, ao fazê-lo, distancia-se claramente daquilo que são os seus concorrentes nacionais. E, por isso, em Portugal, o Benfica joga sempre para ganhar e para conquistar todos os troféus. Aquilo que vimos hoje da parte do Sporting Clube de Braga foi uma tentativa de conseguir, de alguma maneira, aguentar, sobreviver essa capacidade que as encarnadas colocavam na partida. E durante o primeiro tempo, apesar de já aí o Benfica ter sido superior e ter criado mais oportunidades, vimos um Braga com capacidade de ser atrevido, uma equipa que soube esperar momentos para depois procurar atingir a área adversária, consegue uma bola na trave. Vamos ouvir. Simultaneamente, só para assinalar mesmo, o final da partida em Vizela, triunfo por 3-1, excelente jogo de futebol. A equipa do Vizela acaba por se superiorizar nos derradeiros instantes desta partida e acaba por vencer também o Casa Pia por 3-1. É resultado final, então. A equipa vizelense aproxima-se do Casa Pia na tabela classificativa. São agora apenas 3 pontos a separá-los. Vamos ter reportagem desse encontro na segunda parte desta emissão especial de desporto, a partir das 20h, quando aqui voltarmos à antena para o relato desse Sporting Santa Clara. Em frente, Luís, na análise. Sim, e falava dessa questão da primeira parte, onde de facto o Braga conseguiu ser minimamente competitivo, conseguiu marcar o golo, ter algumas boas oportunidades e dificultar a vida das encarnadas. O golo do Benfica, no penalti, surge de um lance, alguma infelicidade de Laura Casanovas. Ela tenta fazer a aproximação a Kika, mas a qualidade técnica superior de Kika, na forma como protegeu a bola, leva a que nessa aproximação pisa a jogadora do Benfica. Penalti claro, sem espaço para dúvidas, confirmado pelo VAR. E depois Carol a precisar da segunda tentativa, sendo que também essa repetição faz todo sentido. Patrícia Moraes não estava sobre a linha, portanto é perfeitamente legal e correta a decisão da árbitra Filipa Cunha e do VAR Catarina Campos. O empate ao intervalo dava essa ideia de competição, de concorrência, de equilíbrio, que na segunda parte foi completamente desfeito por uma equipa encarnada muito superior. E aí o Benfica, pegando na bola, não deu a mínima possibilidade às braguistas. Consegue também a equipa do Benfica evitar sempre qualquer situação em que o Braga tentasse sair com bola. E eu, pelo menos pelos meus apontamentos, o primeiro remate do Braga à baliza na segunda parte acontece só ao minuto 77, quando o Braga já estava a perder por 2-1, e foi uma exibição na segunda parte, nos segundos 45 minutos, uma exibição da enorme superioridade do Benfica, com o Braga também, quando tentou mexer, a ter aí essa infelicidade da Vanessa Marques, que faz um mau passe e oferece, entre aspas, o lance para que Kika e Nicole resolvessem a contento das encarnadas. Luís, deixa-me interromper porque Filipa Patão, a treinadora do Benfica, mas, olha, está já Filipa no ecrã. Filipa Patão também vai ser interrompida. Porque a Kika Nazaré foi ali com uma garrafa de água e vai-se divertir. Então vai aparecer, entretanto. Vamos ouvir agora a treinadora do Benfica. Então. Bem, um dia de festa para nós, um dia de redenção para aquilo que aconteceu. Vais apanhar. Aquilo que aconteceu na semana passada, nós sabemos que era importante darmos uma resposta, que era importante darmos isto aos adeptos, depois daquilo que eles nos deram no fim de semana passado, e apesar do gol contra a Maré no jogo, elas tiveram um caráter formidável e mostraram que o que aconteceu na semana passada foi um jogo, foi um momento, e continuam fortes, continuam bem. A verdade é que no final do jogo da semana passada, na derrota com o Sporting, a Filipa disse que o Benfica acabava sempre por dar uma boa resposta. É isso que podemos esperar para mais à frente nesta época. Se o Benfica perder, vai dar uma grande resposta. Esperemos que o Benfica não volte a perder. Pelo menos tudo faremos e para isso trabalhamos todos os dias. Sabemos de antemão que esta fase final da época, por tudo aquilo que já vivemos e que já passámos, é sempre complicado. Quando é complicado, as jogadoras têm que recuperar mais do que o que antes precisavam de recuperar, que é normal. Já referi que têm mais de 900 minutos nas pernas do que todas as equipas da Liga BPI, mas ainda assim elas têm um coração enorme e foi isso que voltaram a mostrar hoje. Muito obrigada, Filipa. Ficamos então com as declarações da treinadora do Benfica. Faltava que ouvíssemos a técnica vitoriosa desta final. João, Luís, temos 15 minutos até ao final desta emissão, sendo que ainda temos que ir a Guimarães para, alô. Para abrirmos. Pedro? Não sei se temos tempo para ouvir Kika Nazaré. Vamos a isso. Vamos a isso. Vai dando aqui autógrafos, também tirando algumas selfies em direto para a Antena 1. Sentiu-se como... Podem falar sempre. Estava eu a dizer, sentiu-se como peixe na água esta tarde. Isso é uma metáfora gira. Senti-me ao Benfica, que isso é o mais importante. Foi um jogo difícil, duas equipas competentes e ainda bem. É a prova de que isto está a evoluir. Um jogo tramado, como eu gosto de dizer. Mas demos a volta, jogámos ao Benfica e a taça é nossa. O Benfica encostou praticamente o Braga durante a partida toda às redes, como costuma dizer. Foi complicado depois dar a volta? Foi preciso paciência, insistimos, mas devagar se vai longe. Apanhámos um susto na primeira parte, mas conseguimos dar a volta, juntas e a jogar pela nossa camisola. Agora campeonato, agora depois campeonato. Mundial. Agora festejar, depois seleção, depois campeonato, depois, se Deus quiser, taça e depois mundial. Muito obrigado, Kika Nazaré, jogadora do Sport Lisboa e Benfica, à conversa com a Antena 1 aqui junto à linha final. Pedro, mantens via aberta se houver reportagem aí no relvado do Municipal de Aveiro, dizia eu. Agora temos 13 minutos para o final desta emissão especial de desporto. João e Luís, vamos atalhando comentários, também tentar ser sucintos, porque ainda vamos abrir o cenário em Guimarães desse Vitória Passos que arranca às 6 da tarde. Há também resultados para atualizar e ainda som para ouvirmos sobre os jogos de amanhã da Ronda 26 da Liga Portuguesa. Luís Cristóvão, proponho novamente, hoje estou muito a fazer muitas propostas, que analisemos as palavras de Filipe Patão. O jogo com o Sporting foi isso mesmo, foi um jogo, e era importante mostrar aqui que tinha sido apenas um jogo que não correu tão bem. Sim, e sublinhar a palavra redenção, o jogo de redenção, porque o Benfica terá sentido na última semana, nesse jogo em que foi quebrado o recorde de assistência num jogo de futebol feminino em Portugal, que não esteve à altura do momento, acabou por não conseguir, jogando em casa, cumprir com aquele que era o seu objetivo, e num derby sair derrotado naquela que foi a primeira e até agora a única derrota do Benfica em competições nacionais. Hoje vimos um Benfica não só a lutar pela vitória na Taça da Liga, para conquistar esse troféu que queria somar ao seu currículo, mas também um Benfica, e percebe-se pelas palavras da Filipa Patão, a querer ser, ou a querer demonstrar, a querer dar a cara, a querer confirmar que é mesmo superior às suas adversárias. E o Braga com o Sporting são as duas equipas que estarão mais próximas do Benfica, ainda que relativamente longe na tabela da Liga Feminina. Foi um Benfica que foi também capaz de o fazer na forma como se apresentou ao jogo, naquilo que foi a sua proposta, desde logo no 11, com uma... Sim, sim. Vamos ouvir, Lúcia Alves. Vai tirando aqui algumas selfies também, dando alguns autógrafos. Lúcia, foi complicado. Olá! O que é que a Lúcia não responde? É apenas uma pergunta relativamente ao jogo. O Braga a iniciar a partida a vencer, mas o Benfica a conseguir dar a volta ao marcador. Sim, sabíamos que ia ser um jogo complicado, sabíamos que o Braga é uma equipa forte, uma equipa coesa, sabíamos mais ou menos a estratégia que eles podiam indicar no jogo, e assim foi. Fomos inteligentes, soubemos desfrutar do momento, ser felizes a jogar a bola, e eu acho que isso foi o segredo. E de agora? O futuro como é que vai ser? Eu acho que o Benfica tem os objetivos bem traçados e não precisamos falar, respondemos dentro de campo. Aquela derrota com o Sporting foi o tónico para esta partida frente à equipa do Sporting Braga, para responderem de imediato a uma derrota com uma boa exibição. Faz parte, não estamos habituados a perder, é verdade, mas faz parte, é o futebol. Da mesma forma que nós queremos ganhar, a malta também quer do outro lado, e é o futebol, é assim. Lúcia Alves, os olhos mais bonitos da equipa do Benfica, a falar com a Antena 1, é quando a equipa do Benfica vai ainda festejando com algumas atletas, obviamente, aqui no topo sul, estão dentro do relvado, por isso mesmo eu não posso estar lá, mas se saltarem para junto do público, cá estarei para os ouvir. E por isso, Luís, já falámos das declarações de Filipe Batão, estavas a concluir. Sim, estava a concluir na forma como o Benfica, dizia eu, logo como entrou no jogo, como a Filipe Patão montou o 11, a proposta que trouxe para a partida foi claramente de um Benfica muito à procura de fazer aquilo que acabou por conseguir fazer na partida. Ser uma equipa muito superior, mostrar a qualidade, mostrar a superioridade, mostrar também a ambição que esta equipa tem e que se no campeonato nacional as coisas estão muito bem lançadas, nas taças há sempre aquele risco de, numa final, é só um jogo, poder as coisas não correrem bem. Entrou a perder nesta partida em termos do marcador, apesar de estar a ser superior à passagem da meia hora. E depois, e não vou esperar por mais uma proposta, passo já para as palavras da Kika, que vêm confirmar isso mesmo. Aquilo que vemos no Sport Lisboa e Benfica neste momento, e eu creio que vemos noutras equipas também do futebol português, em dimensões diferentes, obviamente que o nosso desejo é que o máximo possível de equipas da Liga Feminina possam ter esta capacidade de investimento. Luís, mais hipótese de reportagem. Bora lá. Eu não consigo perceber aqui esta conversa com a Catarina Amada e também com presumo familiares, amigas, mas eu não percebo este cartaz. Amado, dá-me a tua camisola e os teus pés. O que é que isto quer dizer? Eu só posso vir ao autocarro. Sobre o jogo, complicado. O Benfica esteve muito tempo em cima do Sporting Braga, mas começou a perder, deu a volta, foi complicado. Eu acho que foi um bom jogo de ambas as partes. O Braga fez um bom jogo, acho que sim, nós somos superiores, mas acho que acima de tudo foi um bom espetáculo para o futebol feminino. E agora, em termos do futuro, como é que vai ser? É algo que eu não penso muito, agora só penso no presente. E também festejar com familiares? Sim, são familiares. É a mãe? Não, é a minha prima. É prima. Como é que se vê do lado de fora da bancada mais uma vitória do Benfica e também da sua familiar, Catarina Amado? Estou muito feliz, sinto-me muito orgulhosa da minha prima, e o que lhe desejo é tudo bom e muito sucesso para ela e para o Benfica. Conseguiu a camisola ou prefere os pés? Eu preferia os pés, sempre me davam mais utilidade para os jogos do que a camisola, mas é o que é. Muito obrigado. Boa sorte para o regresso a casa, a festa das jogadoras da equipa do Benfica aqui no Topo Sul. Vamos ver se ainda conseguimos falar com mais alguém. Luís Cristóvão, vamos preparar aqui para encerrar e por isso perguntas de resposta rápida, dedo no gatilho. Já falámos da melhor em campo, nota à equipa de arbitragem. Olha, a equipa de arbitragem creio que acaba por estar bem, controlou bem a partida nos lances que foram de dúvida, o VAR acabou por decidir e por isso também nota positiva para a equipa liderada por Filipe Acunha. E é tudo a partir do Estádio Municipal de Aveiro. Grande parte destas jogadoras reúne-se segunda-feira na Cidade do Futebol para esse duplo jogo amigável no dia 7 de Abril frente ao Japão e no dia 11 frente ao País de Gales. Os dois jogos no Estádio Dom Afonso Henriques em Guimarães. A técnica foi do Jaime Antunes, reportagem de Pedro Ribeiro, os comentários do Luís Cristóvão, o relato foi do João Correia, que em nome de todos deixa um grande abraço. Até à próxima. Desporto. Antena 1. Bom regresso a casa à equipa da Antena 1, que esteve nesta final da Taça da Liga Feminina entre Benfica e Sporting de Braga. Levou a melhor a equipa encarnada, ganhou por 3-1. Temos 5 minutos até ao final desta emissão especial de desporto. Passamos por Guimarães às 6 da tarde. Daqui a 20 minutos encontram-se Vitória e Passos de Ferreira na ronda 26 da Liga Portuguesa Masculina. Direto com o jornalista Carlos Rui Abreu. Carlos, muito boa tarde, para nos trazer as equipas de Vitória e Passos Ferreira. Boa tarde, Cláudia, ouvintes desta emissão especial do Desporto da Antena 1. Duas equipas que entram em campo a olhar para posições diferentes na tabela. O Vitória de Guimarães a querer cimentar o 5º lugar europeu na próxima temporada, e o Passos de Ferreira que está a empreender um verdadeiro milagre para fugir à despromoção esta temporada. Vitória é 5º com 40 pontos, vem de duas derrotas. O Passos 17º com 16, tantos quantos o Marítimo na zona de playoff, vem de um empate e uma derrota. Ora, as equipas serão as seguintes: o Vitória de Moreno Teixeira com o guarda-redes Celton Biai, depois Miguel Maga, Toncará, Villanueva e Afonso Freitas, Tomás Angel, que regressa à titularidade quase um ano depois da última vez, Tiago Silva e Dani Silva, na frente mais dois Silvas, o Jota e o André, e ainda Alisson Safira. De referir que na equipa do Vitória estão de fora por lesão André Amaro, Jorge Fernandes, Bamba, Zé Carlos e Bruno Varela, por castigo também não joga André. Quanto ao Passos de Ferreira, que hoje não pode contar com Luís Carlos, é carta fora do baralho para César Peixoto, vai apresentar na baliza guarda-redes Barafona, depois Juan Delgado, Nuno Lima, Maracás e Antunes, Rui Pires, Matos Jaló e Old Grove, no ataque Nico Gaitan, Hernani Infante e Guedes. O árbitro da partida é Gustavo Correia, vai ser auxiliado por Tiago Costa e Inácio Pereira. O quarto árbitro, David Silva. No VAR estarão Bruno Esteves e Vasco Marques. Começam a compor-se as bancadas do estádio Afonso Henriques em Guimarães, com muito público, como também já é habitual, e nota de destaque para a presença de uma forte falange de apoio de Passos de Ferreira. Arranca às 6 da tarde este Vitória Passos. É o terceiro jogo da Ronda 26 do Campeonato Nacional Português em Futebol Masculino, uma vez que tivemos aqui esta emissão especial de desporto para acompanhar a final da Taça da Liga de Futebol Feminino. Dizia que é o terceiro jogo desta Ronda 26. Ontem o Estoril acabou por ganhar em casa ao Gil Vicente por 1-0 nesse jogo de abertura da Ronda 26. Esta tarde o Vizela bateu o Casa Pia por 3-1. Às 6 arranca este Vitória Passos e depois mais logo às 8:30 da noite, este sábado 1 de abril, fecha com o Sporting Santa Clara. Esse jogo vai ter